de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux Juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des Juifs. De l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 16. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à notre adresse email dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Donc, si vous avez des informations diverses, j'allais dire des liens vers un article, une vidéo YouTube, etc., n'hésitez pas, ne mettez pas de pièces jointes, parce qu'on ne les prend pas. Donc si vous devez communiquer, passer par des plateformes tierces, genre des images par exemple, ben, utiliser des plateformes d'hébergement d'images, il y en a pas mal en ligne, etc. quoi. Mais les pièces jointes, on ne les prend pas, donc voilà, je préfère le dire. Comment dirais-je ? Alors le ELB, continuez de travailler dessus, on vous informera quand ça reviendra. Un peu de patience, chers amis, tout vient à point, à qui sait attendre. Et comment dirais-je, qu'est-ce que je veux préciser encore? Rien de plus, je crois, pour ça. Donc, présentation des membres, eh bien, on va saluer tout de suite Nogaret. Salut Nogaret. Salut Gandalf, salut aux participants et aux auditeurs. Et aussi avec nous cette semaine, Jean, qui nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Salut Jean. Salut Gandalf, salut à tous. Et enfin, aussi cette semaine, est avec nous Doc. Salut Doc. Salut Gandalf et salut tout le monde. Comme vous le savez, vous pouvez nous soutenir puisque nous dépendons exclusivement de vos dons pour fonctionner comme média alternatif, exclusivement en Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des transactions. Donc, si vous nous faites un don en utilisant la crypto-monnaie Monero, votre identité est totalement protégée. C'est très important à savoir. J'en recommande évidemment l'adoption à tous les titres possibles par tous ceux qui le peuvent. Je vois que l'adoption se généralise, en tout cas dans les médias alternatifs ou même les commerces alternatifs. S'il vous plaît, continuez dans cette direction, c'est très important. C'est un moyen de contourner justement la bête immonde qui règne sur nous et qui empêche généralement toutes les initiatives libres d'agir en coupant l'accès au financement, essentiellement bancaire ou alternatif type PayPal et autres. Donc n'hésitez pas à en faire la promotion, c'est important. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement, qui nous envoient pas de courrier. Ceux qui le font peuvent nous envoyer un message, bien entendu, pour nous dire qu'ils nous ont soutenus, qu'on les remercie, ou pour vérifier que le don est bien arrivé. Si jamais vous avez demandé des vérifications et que ça n'a pas été fait, s'il vous plaît, relancez-nous, ça nous aiderait. Voilà, si jamais vous nous avez demandé, vous n'avez pas eu de réponse, faites-le. Il y a eu aussi des dysfonctionnements un petit peu sur la boîte email, le service est un petit peu lagué là pendant une journée ou deux journées, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Don numéro 1, Alpineur, un donateur régulier qui nous envoie ce message. Bonjour Gandalf et à toute l'équipe, un virement de 0,1 Monero vous a été envoyé, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est toujours un régal de vous écouter. Ben merci Alpineur, merci à toi. Lors de votre dernière émission, vous avez cité une information importante. Notre Béchamel, donc BHL, hein, Bernard Lévy, antinational, a ordonné de faire entrer la France en guerre contre la Russie. Évidemment, je ne suis pas dupe. Les Glucksmann, Enthoven, Haddad, oui, donc ça c'est le parlementaire d'En Marche, hein, le juif, hein, et autres coreligionnaires n'attendent qu'une seule chose, hein, c'est d'envoyer les goïms blancs se faire exploser au nom des droits de l'homme. Et aussi de l'homme gay. soutien à Vincent Renoir, bien entendu. J'espère qu'il sortira enfin de prison et qu'il pourra de nouveau participer à votre émission. On l'espère aussi. On pense bien sûr à Vincent. Il va passer prochainement devant les juges en Écosse au début du mois de juin. Donc, ça se précise. On verra ce qu'il va arriver. Mais oui, bien sûr, une pensée à Vincent, héroïque, en prison depuis plus de 6 mois maintenant, pour une chose qui, rappelons-le, n'est pas illégale en Écosse. Hein. Donc, c'est l'arbitraire le plus total, même en Écosse. Il est détenu vraiment... sous pression totalement des juifs, hein, bien sûr. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, messieurs. Alors là, je tiens vraiment à saluer, chapeau bas. Nous allons aller en Normandie, où des démocrates ont répondu à l'appel de démocratie participative et bien de faire vivre cette démocratie en participant, hein, d'où le nom du site, hein, démocratie participative, hein, de participer à l'activité démocratique en France et en apportant un petit peu nos points de vue, notre regard original certes, mais qui nous appartient, qui mérite d'être communiqué au reste de l'opinion publique. Et bon, ils ont répondu, ils ont envoyé donc des tracts, hein, les tracts qui sont disponibles sur le site. Je l'ai déjà dit, mais il y aura des tracts qui seront ajoutés au fur et à mesure, des tracts thématiques, etc. Ça va venir, c'est vrai qu'on est pas mal occupé sur d'autres choses, mais voilà. Et alors, opération a été menée, hein, près de Rouen, par nos amis. Et vous serez surpris de découvrir que les politiciens locaux n'ont pas apprécié le message qui a été communiqué aux habitants. C'est très étonnant, moi je dois dire que je suis un peu pris de court, hein, je ne m'attendais pas à ça. Mais non, succès mitigé auprès de la classe politique locale, auprès des notables. On écoute le petit reportage de BFM et on se retrouve. Dimanche matin, dans notre boîte aux lettres, nous avons découvert ce tract de façon complètement inattendue. Un tract raciste, antisémite, homophobe, un condensé d'incitation à la haine en seulement quelques lignes, encadré de croix gammées. On a l'impression de ne pas y croire, de dire que ce n'est pas possible. Qu'au XXIe siècle, c'est pas possible que de tels écrits soient diffusés. Et pourtant ici, une centaine d'habitants ont reçu le même papier. Sur le marché du village, tout le monde en parle, tous sont scandalisés. Franchement, on pensait une mauvaise blague, une très très mauvaise blague. On avait l'impression d'être venu en 40. J'ai tellement eu honte de ce tract que j'ai eu du mal à le prendre et à le jeter à la poubelle en fait. La mairie a porté plainte. Elle dénonce les agissements d'un réseau néo-nazi national. Une enquête a été ouverte. Des caméras de vidéosurveillance vont être déployées pour éviter une seconde distribution. Alors messieurs, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Comment dirais-je, sur les réactions du maire. C'est marrant, mais ils utilisent toujours le même mot, c'est nauséabond. C'est marrant, ça. C'est toujours le même truc, quoi. Mais vraiment, c'est toujours le même mot. Bon, ouais, il y a nauséabond et la bête immonde, quoi. Hein, en gros, hein, c'est ça, quoi. En gros, quoi. Bah, ça relève du réflexe pavlovien, en fait. C'est, ils voient une swastika, et ils aboient. Ouais, puis toujours selon les mêmes codes, hein, voilà. Alors moi, je trouve que le message, en fait, est très pertinent. Moi, je le trouve très pertinent. Je vais le lire quand même pour que nos éditeurs sachent de quoi ils retournent, hein, pour qu'on voit un peu le. Donc, cet message à nos compatriotes de race blanche. Homme blanc, tu en as assez de voir les juifs détruire ton pays par l'immigration, la dégénérescence pédo-LGBT et la guerre. Rejoins-nous pour rétablir la domination de la race blanche en Europe. Ah, c'est pas mal ça quand même. Vous en pensez quoi? Je pense que le maire s'est senti personnellement visé. Oui, je crois. Oui, je crois, oui. Et certains de ses administrés. Vous savez, maintenant, il y a des maires qui sont des travelots. C'est plus au nord, mais il y en a. Hein. On en a maintenant officiellement des maires travelots. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça aurait été marrant que le tract tombe dans ce genre de commune. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. C'est pas dans faux, un avenir ouais. Plus ou moins proche. Oui, bah, ça a la bonne volonté hein, des citoyens, hein, des démocrates, des passionnés de démocratie qui veulent justement que ce soit plus vivant, que ce soit que la base reparticipe au processus démocratique. Nogaret ou Jean, éventuellement, sur cette action de la part de ces vikings normands? Moi, simplement, je remarque dans le reportage, il dit que voilà, ils ont déjà une idée du profil qui aurait collé. Bon, c'est pas très difficile à deviner puisque c'est le profil inverse des profils qui normalement foutent la merde. Donc voilà, ils sont pas allés chercher très loin pour l'instant pour l'enquête. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je regardais ça à l'actualité. Là, ils ont fait. Il y avait une. Hier, c'était la journée de la résistance. On va y revenir. Et donc, j'ai vu que dans certaines villes, ils ont fait des trucs. Mais même, il y avait à Lyon dans cette semaine. Je sais plus ce que c'est. Là, je sais plus ce que c'était. C'est encore un truc différent. Bon, à l'appel de la gauche, là. Alors, à Rennes, c'est les antifa, quoi. Ils étaient là avec des drapeaux rouges. Ils étaient en train de tout péter. Ils taguaient les magasins. Bon, ils s'en foutaient complètement, quoi. Les patrons, ils sortaient de leur établissement. Ils voyaient leur établissement complètement dégueulasse. Dégueulassé par ces types, bon, bah voilà, bah c'est pour leur pomme. Hein. Et à Lyon, ils ont carrément tout pété, ils ont pillé, quoi. Hein. Ils sont rentrés dans les magasins, ils ont tout pillé, quoi. Et ils ont dit, bah oui, mais non, mais c'est la gauche. C'est le progrès. Donc voilà, on a le droit, quoi. Et alors, les flics, les magistrats, tout le monde s'en fout complètement. Tout le monde s'en fout complètement. Bon, bah la municipalité, on va même pas dire ça, parce que c'est elle qui les organise, ces événements de pillage orchestré. Voilà. Il y a un côté, je sais pas si vous trouvez, mais il y a un côté sans culotte, là. Vous savez, un petit peu fièvre sans culottarde, vous savez, de juin 1789, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que, éventuellement, je sais pas ce que t'en penses, toi, Jean. Oh, pas grand chose, j'admire beaucoup les camarades qui font ça, je trouve que ça demande beaucoup de courage et c'est un peu le test, le baptême du feu, puisque visiblement c'est les premiers à ouvrir le bal, donc on va voir comment la République se défend, puisqu'on dit qu'elle elle dirige mal mais qu'elle se défend bien, donc on verra bien si elle s'accommode de ça, comment ils vont réagir, parce que visiblement là le maire parle d'avoir mis les gendarmes sur le coup. Alors avec quelles ailes les gendarmes vont-ils travailler, quelles vont être les réactions, parce que effectivement comme ça va probablement les rendre fous de rage, surtout si ça se multiplie, peut-être qu'ils vont se mettre à faire de la répression de plus en plus aveugle. Donc, c'est déjà pas mal aveugle là quand même. Hein. oui, on en parlait précédemment. C'est vrai que maintenant il tape un peu partout sans trop poser de questions et puis avec des prétextes de moins en moins solides du point de vue du droit, si ce n'est complètement fantaisiste. Donc oui, c'est très bien que les camarades avec beaucoup de précautions, beaucoup de prudence. Et surtout, je pense que faut aussi savoir faire du repérage. Là, c'est très bien cette commune. Il y avait très peu de caméras de surveillance, mais bon, faut savoir que de plus en plus, même dans les collectivités, ils se dotent de moyens de traçage de la population. Là, c'était très à la mode pendant le Covid de voir ce que les gens faisaient, de les suivre, ainsi de suite. Donc, il faut aussi repérer le terrain avant de se lancer dans ce genre d'opération. Mais bravo, très très bon travail. Oui, oui, il faut repérer le terrain, il faut avoir son parcours à l'avance, savoir par où on va passer. Alors, les consignes hein, sont présentes sur le site. Hein, voilà. Alors, il faut photocopier ses tracts en noir et blanc, dans des magasins de bureautique ou même dans les supermarchés. Il y a ça. Alors, toujours avec prudence, loin des regards curieux, hein, bien entendu, vous comprenez ça. Donc là aussi, il faut être un peu observateur, regarder les lieux où vous faites ça. Un tract en format A4, plié en deux, ou alors deux tracts format A5 à massicoter. Ok, c'est simple. Quelques centaines de tracts suffisent hein, pour une action, hein, bien sûr. Durée de l'action, c'est 1 à 2 heures. Hein, c'est court hein, quand même. À pied, bien évidemment. Alors, je précise, c'est-à-dire vous pouvez aller en voiture sur le site, mais vous garez votre voiture, vous ne circulez pas d'un point A à un point B avec votre bagnole en train de tracter, parce que les gens peuvent regarder votre plaque. Donc, on fait quand même le truc à pied, donc c'est mieux de faire ça dans des villages, en fait, pour cette raison. C'est-à-dire, vous aurez assez vite fait le tour du secteur. Comment dirais-je? Alors, le créneau horaire, alors idéalement, alors évidemment de nuit, et idéalement de 1h à 3h du matin, c'est la période la plus creuse de la nuit. Très peu de gens sur les routes à ce moment-là. Jamais dans votre commune, sous aucun prétexte. Jamais. Et même, j'ajoute, idéalement, même pas dans votre communauté de communes. D'accord? Comme on dit en anglais, you don't shit where you eat. Voilà. Comment dirais-je, pas en centre-ville pour éviter la vidéosurveillance. Il y a beaucoup de caméras de vidéosurveillance, que ce soit privées ou publiques. Ça facilite le travail des flics. Donc, comme il y a beaucoup de communes rurales en France, hein, il y en a des dizaines de milliers, on privilégie les communes rurales. Hein, on privilégie les communes rurales, pas les communes urbaines ou urbanisées. Donc, vous garez votre voiture dans une zone sans éclairage et à l'écart. Donc, typiquement, si c'est possible, une entrée de champ, quelque chose comme ça, vous voyez. À l'écart. Hein. Portez obligatoirement un masque sanitaire et une capuche ou une casquette. Très important. D'accord ? Très important. Faites attention aussi aux visiophones. Ça peut prendre des photos, ça, les visiophones. Attention à ça. Hein. Laissez impérativement votre téléphone chez vous durant toute l'action en question. Jamais, jamais de téléphone portable avec vous. Jamais. Il reste à la maison. Pas d'utilisation de votre carte de crédit de votre départ jusqu'à votre retour à votre domicile. D'accord ? Ne manipulez jamais les feuilles A4 et les tracts à main nue, sous aucun prétexte, uniquement avec des gants. Alors, pour les manipuler quand vous faites les photocopies, vous pouvez utiliser des gants, vous savez, les gants de nettoyage, là, qu'on utilise, hein, pour faire la vaisselle, ce genre de trucs, les gants en plastique, il y a des boîtes à pas cher disponibles dans les magasins de bricolage. Et puis, pour le tractage en lui-même, vous pouvez utiliser des gants noirs, par exemple, c'est possible aussi. Vous pouvez donc boiter dans les boîtes aux lettres, bien sûr, éventuellement les scotcher. Faites attention à respecter les mêmes consignes pour le scotch que vous utilisez par rapport aux gants, donc sur des supports publics, donc ça peut être des abribus ou autre, peu importe. Ou vous pouvez laisser aussi des tracts sur le sol. C'est faisable aussi dans les endroits qui peuvent être fréquentés. Donc, le matin, quand les gens vont arriver, etc. Voilà. Ne tractez pas intensivement. C'est-à-dire, ne faites pas une action par semaine ou deux par mois. Non, non. Espacez dans le temps et la durée vos actions. N'hésitez pas même à faire de la route pour une action. N'hésitez pas à faire 40 km même pour une action. N'hésitez pas. Et vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Vous pouvez en faire 2-3 dans une année. C'est largement suffisant parce qu'ensuite, s'il y a différents groupes qui le font, elles s'additionnent les unes aux autres. Vous voyez. Évidemment, les groupes ne se connaissent pas entre eux. Alors, la taille des groupes, 2 personnes suffit amplement pour des raisons de sécurité. 1 binôme. Comme ça, il n'y a pas de doute sur quoi que ce soit. Vous êtes que 2. Donc, voilà, si quelqu'un... Voilà, au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Et deuxièmement, vous faites ça sous le sceau du secret, c'est-à-dire vous n'en parlez à personne. Uniquement votre binôme. Vous n'en parlez à personne d'autre. Agissez comme ça, montez des cellules comme ça d'action, de propagande. Évidemment, évidemment, pas de violence, c'est entendu. Pas de violence. Le message ici est un message politique, de propagande. On récuse catégoriquement la violence et on appelle toutes les personnes en général à ne pas en commettre, et encore moins ceux qui sont des militants. Donc jamais, jamais, jamais, jamais de violence, sous aucun prétexte. Donc voilà les consignes, hein, si vous voulez tracter et faire connaître l'opinion qui est la nôtre, hein, voilà, sur toute une série de sujets, puisque ce sera au fur et à mesure des tracts qui seront publiés. Voilà. En tout cas, le message est passé, et voilà, et donc il faut faire vivre cette démocratie, comme je le disais. Quelqu'un d'autre là-dessus ? On passe au point suivant. Moi, j'allais simplement dire à l'énonciation de toutes ces règles, je me disais, voilà, un point positif pour la République, c'est qu'elle va pouvoir remonter les niveaux de contrôle aux faciès de la police, puisque les Arabes et les Noirs seront toujours contrôlés pour la drogue, les Blancs seront contrôlés pour les tracts. Mais, au-delà du trait d'humour, voilà, quand tu énonces toutes ces règles tout à fait justes et à mettre en œuvre absolument, ça montre en quelque sorte aussi l'action qu'on a et la cause que l'on défend et à quel point elle dérange, puisque ils vont mettre en face les moyens pour retrouver les gens. Donc voilà, on voit qu'en fait, sur une simple cause politique, tout ce que la République peut mettre en œuvre pour lui couper toute possibilité de s'étendre, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez représentatif de là où est le réel combat. Disons que c'est des consignes... Si je peux me... Vas-y. Ouais, excuse-moi. Si je peux me permettre d'ajouter, Nogara, aussi, pour moi, c'est une bonne chose en fait que le régime réagisse de manière aussi forte à ce qui reste rien de moins qu'un simple bout de papier déposé dans une boîte aux lettres, en fait, hein, au fond. On voit qu'on a vraiment affaire à un géant au pied d'argile. Tu imprimes, voilà, une croix gammée sur un bout de papier. Toutes les fondations se mettent à trembler. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le combat sert à quelque chose, qu'il est juste. Et ça montre encore une fois à quel point le régime est fragile sur ses bases. Et donc voilà, donc moi c'est une bonne chose et je pense que le camarade a bien mérité une petite croix de fer, hein. Ah oui, là, oui, croix de fer. Alors, comme c'est la première, de deuxième classe, mais on ne sait pas pour la suite, il y en aura peut-être une de première classe, hein, on ne souhaite que ça, hein, bien sûr. Mais pour ce que tu disais, ben, les consignes qui sont énoncées là, par exemple, des consignes de pure sécurité, bien entendu, pourraient probablement. Enfin, ça permet de réfléchir, de méditer sur le climat politique en France. Et on peut se dire, là, c'est marrant parce que ce régime qui nous parle constamment de l'Iran, de la Chine, de la Russie, on peut pas s'exprimer, etc. Bon, bah, visiblement, pour avoir une activité politique quelconque, parce que, comme tu l'as dit, il s'agit simplement de diffuser des tracts, c'est pas si simple que ça en France, visiblement, hein. Ça n'est pas libre, en fait, hein. Voilà, donc c'est bien de démontrer par A plus B que c'est pas libre, en fait. Aux États-Unis, c'est libre, hein. Si vous voulez faire des tracts de ce modèle-là, vous pouvez le faire, vous pouvez les distribuer. Bien entendu, hein. Je veux dire, c'est pas du tout interdit. La police va pas être mobilisée pour ça. Peut-être qu'il y aura évidemment le FBI va être mobilisé pour suivre, parce qu'on dit, oh, il y a un groupe politique, faut regarder. Ce sera du travail, j'allais dire, de surveillance, mais vous n'allez pas être arrêté pour un tractage, quoi, hein. En France, si. Voilà. Par ailleurs, dans la même France, où c'est le chaos. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui se passe dans les rues, vous avez vu, enfin, l'extrême gauche est complètement en roue libre, les halogènes font ce qu'ils veulent, ils plantent, ils violent, voilà, on les fout même plus. Il se tire dessus à la calache à Marseille. Tout le temps, pas qu'à Marseille, mais oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais même, je dis pas qu'à Marseille, parce que là, à Nantes, il y a encore eu des règlements de compte, voilà, enfin, c'est partout, et bon, bah oui, non, vous comprenez, voilà, truc. Et je voyais même Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, prenait la parole, je sais plus où, là, il faisait un déplacement, et il était en Vaucluse, et il a voulu parler de sécurité. Il veut un peu caresser dans le sens du poil le sentiment populaire par rapport aux questions de sécurité, et donc il y a eu un meurtre, et alors il a dit oui, il faut pouvoir vivre en sécurité, etc. Non, règlement de compte, etc. Et alors les gauchistes lui sont tombés dessus justement en disant que c'était scandaleux qu'ils faisaient des amalgames, enfin, connaissaient la rhétorique anti-autoritaire, anti-tout pratiquement des gauchistes. Mais c'est pour dire que c'est tellement n'importe quoi, effectivement, que les règlements de compte armés sur fond de confrontation pour le contrôle de la drogue sont totalement banalisés aujourd'hui. Je veux dire, avant, on entendait parler de ça pour des pays d'Amérique du Sud ou aux États-Unis, quoi. Je veux dire, bon, bah voilà, maintenant c'est banal dans le Vaucluse, à Nantes, truc, voilà. Et plus personne ne s'en émeut d'ailleurs, pour ainsi dire. Hein? Voilà, on nous dit, bah oui, mais ça fait partie de. Bah oui, ça fait partie d'un pays qui a ouvert ses vannes à l'immigration non blanche. Ça fait partie, c'est sûr. Jean, tu veux rajouter un truc là-dessus? Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que je pense pas que la République dépense tellement d'énergie pour lutter contre ça, contre ces règlements de compte et toutes ces violences halogènes. Au contraire, elle dépense plutôt de l'énergie pour essayer de l'augmenter, pour en faire venir plus. Mais par contre, comme là où elle va dépenser de l'énergie, c'est que si ces tractages se multiplient et qu'ils ont lieu sur d'autres zones géographiques, en fait, la bête pourrait s'exciter et se mettre à gaspiller beaucoup pour essayer de retrouver les gens, surtout si les gens prennent bien leurs précautions, elle va vraiment avoir du mal à avoir de quelconques résultats pour enrayer le phénomène. Et ça me fait penser étrangement à nos amis les talibans qui ont réussi à épuiser la bête de telle sorte qu'elle a fini par partir et qu'elle s'est effondrée d'épuisement. Donc je pense que c'est la meilleure action politique effectivement qu'on puisse mener. Bravo en tout cas à nos deux combattants de Normandie. Salut à eux. Alors, courrier numéro 2, anonyme, hélas, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de signer vos emails, hein. Alors, je lis, hein, c'est pas très long. Ancien militaire français exilé au Québékistan, donc au Québec, hein. Après des soucis avec l'administration en raison de mes opinions politiques, j'ai versé mon sang et ma sueur pour la France dans les colonies. Je verse mes larmes aujourd'hui quand je vois ce que devient donc la France. Je vous écris par rapport à votre segment au sujet d'Hassan Diab et les commentaires au sujet de la justice canadienne et de Trudeau. Alors, on vous rappellerait peut-être de l'affaire Hassan Diab, on l'avait commenté, c'était d'ailleurs en présence de Derek, donc, qui est un homme qui a été, vous vous rappelez, c'était, ils ont rassemblé le Sanhédrin à Paris et ils l'ont décrété coupable d'un attentat commis contre des juifs en France au début des années 80, sans aucune preuve, alors qu'il avait déjà été extradé une première fois du Canada, qu'il avait été jugé en France, qu'il avait été, il a bénéficié d'un non-lieu parce qu'il n'y avait pas d'éléments probants. Après 3 ans d'enquête intensive menée par des juges chargés de ce dossier, les mêmes juges d'ailleurs qui ont été entendus lors de ce second procès, en absence d'ailleurs d'Hassan Diab, et qui ont dit « nous avons un sentiment encore plus renforcé de l'innocence de M. Diab aujourd'hui que nous ne l'avions lors du premier procès ». Et donc ils ont témoigné à la barre en faveur d'Hassan Diab. Donc c'est vous dire, des magistrats français qui vont jusque-là, ça n'a pas empêché les Juifs de condamner arbitrairement Hassan Diab, donc, qui est un Libanais d'origine. Un universitaire au Canada. Alors bon, je sais qu'il peut y avoir des réflexes, évidemment, dans notre auditoire épidermique, je veux dire, par rapport aux musulmans en général, aux arabes, etc. Bon, ce qui se comprend parfaitement, bien entendu. Enfin, il faut quand même faire la part du feu, faire la distinction entre, je veux dire, des rabzas qui plantent au coin de la rue et un universitaire qui est un Libanais qui est établi au Canada et qui est persécuté par les Juifs sur de simples soupçons. Bon, bref, on était revenu sur cette affaire en détail, et donc réagit à cela notre auditeur exilé lui-même au Québec. Alors, je poursuis. Je sais que Trudeau est présenté en France comme une espèce de messie progressiste, mais il ne faut pas se méprendre. Il est clairement à la solde des Juifs, de la finance internationale, des globalistes, et de tout le cortège des abominations LGBTQX, etc. Il a une haine régulièrement exprimée des Blancs, des hommes, c'est-à-dire les vrais, hétérosexuels, de la liberté en général, de toutes les valeurs blanches, et a pour objectif d'importer plus d'1 million de bruns jaunes d'ici 2025. Le gouvernement et l'appareil d'État canadien sont purement à la solde de ZOG, donc le Zionist Occupation Government, donc le gouvernement d'occupation sioniste, et des yids américains. La justice canadienne est toute acquise à la cause anti-blanche. Le Canada déteste les vrais Québécois, donc Québécois français, hein, de race blanche, bien sûr, les purlaines, comme on dit, qui défendent leur identité culturelle. Merci pour votre dur labeur de rétablissement de la vérité et d'exposition du parasitisme des Juifs. Merci, chers auditeurs du Québec. Salut à nos amis québécois, aux Canadiens français. Alors, quelqu'un veut réagir à son message à propos de Trudeau ou tel élément? Moi, j'ai un petit truc à dire sur l'immigration au Canada. Ouais, sur Trudeau. Vas-y, Jean. Sur Trudeau, je trouve qu'il est particulièrement intéressant de comparer Macron, Trudeau, Rishi Sunak, Zelensky, parce qu'ils ont tous le même langage corporel, ils sont tous très tactiles, ils adorent tripoter. Oui. Leurs interlocuteurs, je crois que vous en parliez la semaine dernière, mais oui. Trudeau, c'est vraiment du classique, et ce côté très tactile qui met beaucoup de gens à l'aise, et à chaque fois que je vois des vidéos, ils sont comme ça, à se caresser le dos, et ainsi de suite. Ça fait bisexuel un peu quand même, non? Oui, énormément, mais c'est vraiment la marque. Il suffit de voir ça pour savoir quelqu'un est un mondialiste acquis à toutes les causes que l'auditeur... Ils viennent de la même matrice. En même temps, si je dis pas de bêtises, sont tous des young leaders de Davos. Hein, donc, Macron, je sais pas si c'est un young leader. Macron, je sais pas, mais Trudeau l'est absolument. Hein, ouais, absolument. Mais sinon, j'allais ajouter. Alors, je sais pas si c'est aussi comme ça que l'auditeur l'évoquait, mais quand il parle en fait du fait que Trudeau est présenté comme un messie progressiste et qu'il fallait pas se méprendre, qu'il y a la solde des Juifs, de la finance, etc. Effectivement, c'est une seule et même cause, en fait. Le progressisme est poussé par tous ces gens. C'est, il faut bien garder ça à l'esprit. C'est un bloc, en fait, hein. C'est, ils agissent sur différents aspects, bien entendu, avec différentes personnes, mais il y a une volonté commune, un but commun et des personnes en commun derrière tout ça. Il faut pas effectivement, comme le dit l'auditeur, se méprendre là-dessus. C'est marrant parce que récemment j'ai vu il y avait une campagne de publicité organisée, je crois que c'était par l'ADL, je crois, l'ADL, donc Anti-Defamation League aux États-Unis, qui est l'équivalent de la LICRA en France, donc organisation juive dite antiraciste, mais en fait totalement raciste juive, hein, qui utilise en fait les gens de couleur pour contre les blancs en fait, hein. Et en fait ils revendiquaient ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand vous le dites, vous êtes un goy, vous dites non, mais en fait le féminisme, l'autorisation, ça c'est d'origine juive en fait, c'est des armes de guerre psychologique, c'est antisémite. Mais quand tu regardes leur propre propagande, ils le revendiquent. Donc c'était un clip, il durait, je sais pas, il durait 1 minute et demie ou 2 minutes, et donc ils revendiquaient, ils disaient voilà les grandes figures du mouvement d'émancipation alors de la femme, donc le féminisme. Hein. Donc on voyait des bobines de juives, particulièrement atroces d'ailleurs. Les droits civiques, alors les droits civiques, c'est la guerre raciale en fait, hein. C'est mobiliser essentiellement les noirs contre les blancs, s'en servir. Et donc là, on voyait aussi d'autres figures juives, des rabbins, etc., qui étaient dans la roue de Luther King, etc. Luther King, qui en fait, les gens ne connaissent pas du tout la biographie de Luther King, mais c'est très intéressant. Il présentait comme un pasteur, donc un homme d'église, voilà, une espèce de réminiscence de Martin Luther, vous voyez, c'est totalement faux. Donc, grand consommateur de putes, blanche, ça va sans dire, et aux mains du Parti communiste, qui était une Il n'était structure. pas aussi cogneur, je crois qu'il est Si, si, cogné les il cognait putains. les. Oui, c'était son truc, il aimait beaucoup cogner les putes, ouais. Et alors, il était aux mains du Parti communiste des États-Unis. Le Parti communiste des États-Unis, en fait, était intégralement composé de juifs. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans l'émission, je l'ai déjà dit, j'ai toujours insisté. C'est intéressant de travailler l'origine du Parti communiste des États-Unis. Donc, il est apparu. En fait, il faut savoir que sur la fondation du Parti communiste des États-Unis, c'est le résultat d'une scission. Au lendemain de la révolution d'octobre en Russie en 1918, donc ça s'est passé en 1920 à peu près aux États-Unis, c'est une scission au sein du principal syndicat, d'un des principaux syndicats new-yorkais, de la branche féminine juive. Donc en fait, les juifs se sont rassemblés, elles ont dit, nous on fait sécession, on est des bolcheviks maintenant. Alors qu'avant, elles étaient socialistes. Et ça a servi de base. Ça a agrégé d'autres groupes, etc. Et ils ont créé. À tel point que pendant des années, la publication officielle, le journal officiel du Parti communiste des États-Unis en Amérique n'était publié qu'en yiddish. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission, ça. C'est parce qu'il y avait. Leur public était tellement juif que c'était même pas la peine de publier en anglais. Ça servait même à rien. Et c'est qu'au bout de plusieurs années qu'ils ont dit on va essayer de s'ouvrir un peu. Voilà, c'est intéressant. Et c'était vrai encore 40 ans après, hein. Et il était pris en main, Luther King, par ces gens-là, par tous ces juifs-là. Mais ces juifs-là travaillaient pour l'international communiste. Donc le Comintern, en tout cas jusque dans les années 30. Alors là, Luther King, c'est après. Mais on va dire que l'international communiste, l'international des partis communistes pilotés depuis Moscou, c'était en fait des tentacules juives, exclusivement, avec Zinoviev et tous les autres. C'était que des juifs, hein. Et comment dire, le Kennedy a mis en garde Luther King. Il lui a dit, fais attention, parce que tu ne devrais pas fricoter avec le Parti communiste des États-Unis. Ça va trop loin, ton truc. Tu peux faire de l'agitation raciale, etc. Mets-toi à l'ombre du Parti démocrate américain, donc sous-entendu la sienne, mais si tu continues à fricoter avec le Parti communiste des États-Unis et avec l'international communiste, ça va très mal se finir. Luther King s'est entêté, il a été flingué. Donc il aurait travaillé avec Kennedy, je veux dire, pour le Parti démocrate, il serait mort dans son lit à 94 ans, quoi. Voilà. C'est ça, la réalité. Donc bon, au passage, quoi, voilà, là-dessus, quoi. Donc, alors, je voulais dire un truc quand même sur l'immigration au Canada. C'est absolument effrayant et c'est effectivement de facture juive. Les volumes d'immigration dont on parle au Canada relèvent du génocide, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pensé pour détruire la race blanche au Canada. Purement et simplement, hein. Faut même pas chercher midi à 14 h, hein. Donc il a cité 1 million de migrants. Dans les 2 années qui viennent, c'est absolument juste, c'est absolument vrai, c'est exact. On sent qu'ils sont pressés par le temps, Vous savez, il y a un côté démoniaque là-dedans, c'est la pression du temps. Le démon s'active très vite parce qu'il sait que le temps lui est imparti. C'est exactement la même chose. Alors, on a une idée à peu près générale hein, de la bascule démographique au Canada, parce que contrairement à la France où tout est opaque, etc., la culture nord-américaine, bon, même si elle s'efface progressivement justement sous l'effet d'immigration, est encore pétrie de précision anglo-saxonne. Donc, on veut connaître les chiffres. Donc, il n'y a pas de tabou sur le nombre d'allogènes au Canada ni aux États-Unis d'Amérique. On sait par nationalité, on sait par ethnie, on sait par groupe religieux, on sait par sexe, par tranche d'âge, à l'école, zone géographique, etc. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral vous met la carte ethnique interactive du pays. Vous pouvez aller voir dans la dernière... Il n'y a pas de commune aux États-Unis, si vous voulez, au sens strict, mais dans la dernière ville, le dernier comté, vous voyez la... C'est extraordinaire. Vous savez tout. Tout est su. On sait exactement ce qui va se passer. Il n'y a aucun secret. Et au Canada, la bascule, c'est à peu près pour les années 2040, comme aux États-Unis. Et alors, si, évidemment, c'est théorique, attention, c'est théorique, mais si ça devait se poursuivre sur toutes les décennies à venir, d'ici la fin du siècle, il resterait à peu près 10% de blancs au Canada. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, il peut se passer tellement de choses en un siècle, bien entendu. Mais en revanche, pour 2040, ça, c'est d'ici à peu près une vingtaine d'années, donc c'est vite venu, hein. Là, on sait. Et les blancs seront en minorité. Donc ça, c'est tout à fait spectaculaire. Il y a un deuxième événement spectaculaire aussi, vite fait en passant, je le dis, c'est la déchristianisation massive du Québec. Le Québec, il faut le savoir, les anglo-saxons ont voulu détruire la présence française en Amérique du Nord, complètement, et physiquement. Donc ils ont voulu détruire les Canadiens français. Donc, ni plus ni moins. Ils en ont foutu certains en Louisiane, bon, bah, ils appellent ça le grand déménagement, etc. Bon, on appellerait ça la déportation aujourd'hui, mais ils se sont accrochés. Ils n'étaient pas très nombreux, et ce qui les a maintenus, c'est outre la langue et bien sûr leur souche biologique française, c'est la foi chrétienne, catholique à l'époque, traditionnaliste. Hein. Donc ils se sont accrochés à ça, et ils ont fait beaucoup d'enfants. Et ça a donné la base biologique du Québec. Donc du Canada français, si vous préférez. Et aujourd'hui, depuis ce qu'ils ont appelé la Révolution tranquille, en fait, le basculement à l'extrême gauche du Québec, c'est-à-dire l'abandon de la religion, bon, de toute façon, le Vatican a lui-même abandonné sa propre religion. Bon, voilà. Évidemment, tous les repères sociétaux ont été perdus, toutes les valeurs traditionnelles ont été perdues. Mais pas la mentalité, si vous voulez, messianique issue de l'abrahamisme. Hein, donc ils sont basculés dans le marxisme, quoi. Et alors, la natalité se casse la gueule, et les anglo-saxons, les submers, enfin les anglo-saxons, vous me comprenez. C'est-à-dire que vous avez le patronat anglo-saxon, lui, il pense qu'au fric. Puis il y a les juifs, à Ottawa. La combinaison mortelle des deux. De l'appétit du gain, si vous voulez, du patronat anglo-saxon, et puis la prédation raciale des juifs. Bah, ils en envoient des tonnes à Montréal et ailleurs, et ça se répand partout, quoi. Voilà. Donc là, le Québec fait face à un test, hein, pour sa survie. C'est pas les seuls, hein, dans le monde blanc, hein, mais je veux dire, voilà. Donc, on pourrait se dire, bah, mais si, pour vous dire, c'est-à-dire que c'est pas mieux au Canada anglophone, c'est pire. C'est encore plus intense dans la partie anglophone du pays. Encore plus intense. Et ils repeuplent à fond, mais partout, tout ce que vous pouvez imaginer. Sous-continent indien, mais toutes les races possibles et imaginables. C'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Hallucinant. Si quelqu'un veut réagir là-dessus. Moi, je rajouterais simplement quelque chose auquel tu m'as fait penser, et par rapport à mon propos que je ne m'étonnerais pas que Rudi Reichstadt le qualifie de conspirationniste. C'est simplement une communication de l'AIPAC, c'est-à-dire le lobby pro-israélien des États-Unis, qui est assez puissant, c'est un euphémisme, qui le 9 novembre 2022 tweetait que 95% des candidats qu'ils avaient soutenus avaient gagné l'élection, et que donc être pro-israélien était une bonne politique, un bon ticket d'entrée, à mener. Une bonne assurance. Oui, c'est ça. Donc voilà, quand 95% des candidats ont gagné, derrière, je veux bien qu'on me dise que voilà, j'ai des propos conspirationnistes. Bon, je pense que eux-mêmes se vendent la mèche comme ils aiment bien le faire. Dans l'affaire Hassan Diab, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, il y a un lobby musulman. et notamment frères musulmans. Et c'est très dur pour les politiciens de résister aussi à la pression des frères musulmans. Donc, si vous voulez, il y a de la concurrence quand même. Je veux dire, bon, c'est malheureux pour le Canada, je ne suis pas en train de m'en féliciter. Attention, faut pas se tromper. Mais je veux dire, pourquoi Hassan Diab a bénéficié du soutien notamment du parti le plus à gauche, parce qu'il y a un parti plus à gauche que Trudeau encore, dirigé par un sikh? C'est parce que vous avez des musulmans qui sont présents et qui sont très, très, très organisés. Et ils ont dit, c'est scandaleux, c'est odieux. Bon, bah, enfin, moi, je le reconnais ça aux musulmans. Je veux dire, en tout cas, au Canada, en France, on pourrait peut-être en discuter, mais au moins, ils se mobilisent pour ceux de leur confession religieuse. Bon, encore que Hassan Diab ne soit pas revendiqué, si vous voulez, musulman. C'est pas à ce titre-là qu'il était poursuivi et il ne s'est pas mis en avant. C'est un musulman pratiquant, c'est indubitable, mais c'est un musulman, si vous voulez. Il a pas la barbe, il n'a pas la tenue d'un salafiste, quoi. Il est musulman de confession islamique, quoi. Sa femme porte le voile, etc. Mais il est. C'est pas on ne peut pas le considérer, si vous voulez, comme. Alors, il est musulman, alors on peut jouer sur les mots. On peut dire, oui, mais est-ce que tous les musulmans ne sont pas au fond des islamistes qui appliquent leur religion? Ouais, on peut le dire comme ça, si on veut. Mais disons qu'il n'appartient pas aux factions les plus rigoristes, si on veut. Bon. Voilà, bon, ben, ils se sont quand même portés derrière lui. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et pas uniquement, hein, les partis de gauche radicaux ont été là aussi. Donc, pour Trudeau, et comme c'est un système parlementaire, et il dépend, parce qu'il a noué un deal avec ce parti-là au Parlement, il peut pas non plus totalement ignorer ce que dit ce parti sur cette question-là. Vous voyez? C'est-à-dire que les juges sont en train de se faire bouffer à leur propre jeu. Voilà, ça, il faut le remarquer aussi, les tensions. Bon, c'est pas un lot de consolation, mais je veux dire, voilà, vous voyez que c'est. Les Juifs pensent être les plus malins, mais il va leur arriver des problèmes. Mais justement, ça va dans ce que tu disais juste avant. Ah, ça. C'est-à-dire, la politique change. Hein, et je pense que, bah, tu l'as évoqué pour le Canada en posant la question pour l'Europe, la France, etc. Mais je pense que pour la France, on retrouve un petit peu le même phénomène, puisque il y a quelques mois de ça, Moussa Darmanin courait après un imam qui était parti se réfugier à droite, à gauche. Et c'est pareil, c'était quelqu'un qu'ils ont eu du mal à retrouver pour expulser. Enfin, d'ailleurs, c'était assez comique, puisqu'ils voulaient le ramener en France pour pouvoir l'expulser. Ah oui, Iki Houssen. Monsieur Iki Houssen. C'est ça. Voilà. Ouais, il était dans le nord, il a passé la frontière, c'était grotesque aussi. Simplement, parce qu'il avait déplu aux Juifs lors d'une phrase citée en 2004. Et il a été expulsé en 2023. D'accord ? Moi, je suis pour ramener tous les musulmans dans leur pays d'origine. Je pense qu'ils seront plus à l'aise. Il y a 56 pays musulmans, il y a tous les climats, toutes les façons d'appliquer leur religion, etc. Je pense qu'ils seraient beaucoup plus heureux dans des pays musulmans. Mais nonobstant ce point de détail, qui n'est pas tellement un détail d'ailleurs, ça en dit long sur la radicalité. Et ça n'a rien à voir parce que, remarquez bien, hein, les Juifs, ils organisent l'invasion. Ils ne s'intéressent, ils ne veulent expulser le musulman qu'il y en a, lorsqu'il y en a un soupçon d'avoir dit quelque chose de travers sur le peuple élu. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est marrant, l'État français qui apparemment ne peut rien. Tout d'un coup, mais c'est la livraison éclair, quoi. Le mec, il est interpellé, on est stupéfait de l'efficacité de la police française, quoi. Enfin bon, ça avait un peu capoté au départ. Parce bah, comme l'affaire du livreur qui. Du livreur ouais, en Alsace, ouais. Qui avait refusé de livrer des juifs, ouais, tout à fait. C'est, deux jours après, il était au bled. Dans son pays, ouais, voilà. Ouais. Extraordinaire, hein, ça aussi, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu d'histoire de juge, d'appel, de trucs, organisation de gauche, non, mais attendez, les droits de l'homme, il a le droit de faire appel parce que le temps de l'instruction... Non, c'était 48 heures, merci, bonjour, vous êtes en Alger. En Algérie, vous êtes à Alger, bonjour. Et personne ne se pose de questions, tu sais. Et il n'y a pas eu de protestation, hein. On n'a pas entendu les organisations de gauche, là, la Ligue des droits de l'homme et compagnie, là, se bousculer en disant, mais attendez, comment ça? Et le respect de la procédure, là, ils étaient spécialistes de ça. Ah, là, c'était le silence radio, là, c'était, ah, non, non, non. C'est la République, c'est très bien. Oui, oui, bah oui, on a compris, quoi. Oui. En tout cas, voilà pour ce courrier des lecteurs. On passe le salut à tous les Québécois. Rubrique numéro 1, messieurs. On va aller à Grenoble pour la rubrique La gauchiasse de la semaine. Cédric Piolle. Bon, monsieur Piolle, vous savez, vos efforts sont dûment observés par les démocrates, et si vous continuez dans cette direction, nous allons vous ériger une statue au bout d'un moment. On va être obligé parce que c'est toujours plus fort et plus haut. Donc, faut regarder la progression. C'est comme chez les sportifs, faut regarder le potentiel de progression, n'est-ce pas? Et ça, c'est un homme qui a beaucoup de potentiel de progression. C'est indubitable. Alors, cette semaine, il a brillé. Il a brillé. Et moi, il a retenu mon attention. Mais pas à cause de son physique, parce qu'il n'est pas beau. Mais il a quand même retenu mon attention. Alors, est-ce que vous avez... J'en avais parlé brièvement dans l'émission précédente, mais on ne s'était pas trop attardé là-dessus. Comment dire, les heures les plus sombres de notre histoire. Vous savez, Darmanin a voulu savoir quels élèves étaient absents lors de l'Aïd, des célébrations de l'Aïd, à l'école. Vous vous rappelez ? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Vaguement ou pas ? Oui. Non, Jean, est-ce que tu as entendu parler de ça ou... Oui, j'ai entendu parler de ça. Doc ? Ouais, rapidement, effectivement. Voilà, donc, je résume. J'avais dit ça la dernière fois, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, Darmanin, soucieux, enfin, surtout les Juifs, ils dorment mal en ce moment, les Juifs, envoie une circulaire adressée à tous les rectorats de France et de Navarre. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des élèves qui étaient absents le jour de l'Aïd, parce que ce n'était pas un jour férié. Donc, sous-entendu, qui font passer la pratique de leur culte avant le respect des règles traditionnelles du fonctionnement des institutions françaises, dont le ministère de l'Éducation nationale fait quand même partie, voilà. Est-ce qu'ils vont à l'école? Et alors, bon, ça a été le cafouillage généralisé. On a demandé... Moi, j'aurais aimé savoir, je pense que l'État islamique aussi d'ailleurs, quel rectorat a respecté la consigne, hein, voilà, faire des listes. C'est très à la mode de faire... Tout le monde fait des listes, au fond, quelque part. Ça tourne en eau de boudin. Darmanin assume pas, le ministère assume pas. Oui, mais non, mais pour bon, voilà, tu vois. Les journalistes relancent, ça répond pas. Voilà, c'est compliqué, quoi. Bien. Donc, avec soupçon de discrimination, etc., c'est probablement d'ailleurs, je suis pas certain, mais je suis pas sûr, mais on peut se poser la question si effectivement il n'y a pas une. Compte tenu de la législation complètement délirante, antiraciste qui existe, si c'est même pas interdit de le faire. Bon, je ne sais pas. Je pense que les flics ont toute l'attitude de se renseigner. Mais bon, voilà. Alors, sur ce, Cédric Piolle réagit. Choqué d'entendre parler de cette initiative de la part de Darmanin. Alors, voici comment il réagit. Alors effectivement, ce débat, il rebondit à quelle occasion? Il rebondit à l'occasion des nouveaux gestes du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, hein, qui a demandé un recensement des enfants absents le jour de l'Aïd dans l'éducation nationale. Alors je rappelle que dans l'éducation nationale, les élèves, et d'ailleurs les agents aussi, ont le droit d'être absents pour des fêtes religieuses, que ce soit pour des fêtes religieuses juives, bouddhistes, n'importe quoi. Il y a une liste, hein, qui est établie et donc vous pouvez être absent. Et donc j'ai trouvé ce mouvement discriminant et ça a été l'occasion pour moi de rappeler que nous pouvons rendre notre calendrier à la fois plus pluraliste pour les religions, avoir des jours de congés de férié qui seraient au choix en fonction de vos convictions spirituelles, donc ça pourrait être l'Aïd pour certains et puis Pentecôte pourquoi pas pour d'autres, même si le lundi de Pentecôte ce n'est pas un jour férié, ce n'est pas une fête religieuse, la fête c'est le dimanche, le lundi c'est le lendemain de la cuite pour faire simple, c'est férié comme le lundi de Pâques parce qu'il y avait trop de bonbons, hein, trop de nourriture et d'alcool. Le dimanche pour comme les fête laïque. Pardon, Éric Piolle. Ce que je propose, typiquement, c'est l'abolition de l'esclavage. Vous savez que l'abolition de l'esclavage a la caractéristique d'être un jour férié déjà en France, mais uniquement dans les départements d'outre-mer. Comme si l'abolition de l'esclavage était quelque chose à célébrer uniquement dans les départements d'outre-mer. Donc là-dessus, il y a eu une proposition très transpartisane en 2018 avec des députés qui allaient des Républicains à la France Insoumise, des députés du Modem, de La République En Marche, il y avait un peu tout le monde. Vous avez parlé de la commune aussi. Voilà, un jour. Vous avez parlé de la commune, célébrer la commune. Signes, pourquoi pas effectivement des nouveaux signes qui sont attachés à notre histoire. C'est ça qu'on cherche à faire à travers les jours fériés. Au départ, c'est pas pour avoir des jours de vacances. Hein. Si on vous donne des jours fériés, c'est pour que vous puissiez aller célébrer, donc déposer une gerbe, aller à la messe. Et vous parlez de nouveaux signes, monsieur le maire, y compris LGBT aussi, c'est dans votre idée? Oui. Oui, effectivement. Exemple. Parce que les grands mouvements que nous voyons, c'est évidemment des mouvements qui font partie de notre histoire, mais qui aujourd'hui n'y sont pas, comme l'abolition de l'esclavage, ou des droits récemment acquis. Le mariage et donc, pour tous. On pense évidemment, voilà, le mariage pour tous. Nous pensons au droit des LGBTI ou au droit des femmes. Ça pourrait devenir un jour férié qui marque une évolution de la société. C'est ça qui a été fait à travers l'histoire. On marque des évolutions de la société. Le 8 mai est un bon exemple. Hein. Il a été supprimé, installé en 53, supprimé par De Gaulle, remis par Mitterrand. François Mitterrand. Et donc, évidemment, il y a une symbolique autour de cela. Eh bien, je vais commencer. Alors déjà, par dire une première chose, c'est que je vois au moins une chose de vraie dans ce message. C'est qu'il dit que Marine Le Pen n'aurait pas fait mieux. Je pense qu'on ne le pense pas de la même manière, mais je pense qu'il a raison là-dessus d'une autre façon. Au-delà de ça, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais pu dire la semaine dernière sur les fêtes en fait, musulmanes qui pourraient reprendre les fêtes de la République. Nous, on avait parlé du 8 mai avec les massacres de Sétif, etc. Ben là, je pense que Éric Piolle fait concurrence aux musulmans. Il essaye de les occulter pour redresser la barre vers les valeurs de la République que tu as bien détaillées. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je ne suis pas sûr que le calendrier républicain ait assez de temps pour s'imposer avant le calendrier musulman si la dynamique démographique continue ainsi. Mais bon, peut-être que les étudiants auront le droit aux vacances scolaires d'été, non plus en juillet et août, mais plutôt au mois de juin, le mois des fiertés LGBT, hein, comme ils disent. Donc voilà, peut-être aussi, je ne sais plus si c'est pas mars, le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc bon, ça risque de bouleverser un petit peu le calendrier, mais allez, pourquoi pas s'ils ont envie d'essayer. Mais je pense pas qu'ils trouvent beaucoup de soutien, que ce soit dans leur propre rang, comme dans les rangs extérieurs, on va dire. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, avec la bascule démographique en direction de l'islam, ça risque de poser des problèmes parce que c'est pas sûr que les musulmans soient d'accord avec le changement des dates et la signification des dates qui doivent être fériées. Donc, en fait, ils risquent de se lancer sur des sables mouvants puisque chacun dans une république déconstruite comme la France où chacun doit appartenir à sa petite minorité, à son petit groupe, va voir midi à sa porte et vouloir avoir sa propre date, ses propres jours fériés. Donc, très certainement qu'au lieu d'avoir, je sais pas, 12 ou 13 jours fériés, ça va être 25 ou 30. Il va falloir qu'il y ait le 26 janvier pour Auschwitz. Il va falloir qu'il y ait tout un tas de dates diverses et avariées. Donc, ça risque d'être un jeu compliqué à jouer parce que ils vont devoir satisfaire des gens à droite à gauche. Donc j'approuve à titre personnel puisque ça risque de créer encore de l'instabilité dans cette république moribonde. Nous sommes aujourd'hui le 9 Prairial 231, c'est le jour du Serpollet. C'est mignon encore, franchement, le calendrier révolutionnaire. Mais ce serait trop blanc. ça marcherait pas. Faut un truc plus trash. Calendrier révolutionnaire, de toute façon, je pense qu'à part quelques boomers ultra laïcards, il y a absolument tout le monde s'en fout. Hein. Ça dépend. Si tu fais une journée de la chatte, tu vois, des trucs comme ça, tu sais, jour. Contre le validisme, tu sais, la journée de lutte contre le validisme, tu vois, et puis tu fais un saint laïque, c'est-à-dire tu prends une grande figure, tu vois, handicapée, qui se fait persécuter par des validistes, et tu en fais le saint du jour. Alors bon, évidemment, il y aurait George Floyd hein, dans le calendrier, ça, je pense que ça c'est acquis, hein, voilà. Donc on aurait des saints laïcs en fait. Donc Piolle. Et d'ailleurs, c'est là que tu remarques que ces gens-là sont vraiment dans un rapport religieux en fait au système et à leur système de valeurs hein, entre guillemets, comme ils disent. Ils espèrent remplacer tout ce qui est fête traditionnelle au-delà du christianisme, fête arienne en fait, parce que les calendriers traditionnels blancs sont basés sur les cycles solaires notamment. Ils essaient de remplacer ça par du faux, par leur culte voilà du nègre, par le culte de l'Holocauste. Donc ça peut pas marcher en fait, ça se passe dans leur tête. Oula. Moi je sais pas, hein. Moi je pense que ça peut marcher plutôt bien. C'est les musulmans, je sais pas s'ils vont suivre quoi, parce qu'ils ont leur propre calendrier les musulmans aussi quoi. Mais ils l'appliquent pas tous dans les pays musulmans. Hein. Pardon, j'ai vu qu'en Algérie par exemple ils ont pas le calendrier religieux quoi. C'est pas le calendrier de l'État, je veux dire. Ils ont des fêtes religieuses dans l'année, quoi. Hein, il y a des fêtes religieuses, quoi, bien sûr. Mais par exemple, il y a aussi le 1er janvier, par exemple. C'est pas fêté, c'est pas une fête. Mais c'est un jour important de l'année. Donc, bon, après, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé avec l'islam, je veux dire. Ça fait très longtemps que l'Algérie a des rapports avec, de toute façon, tout le monde méditerranéen, je veux dire, donc, y compris l'Europe. Donc, ils sont pas non plus, je veux dire, c'est pas l'Arabie Saoudite, je veux dire. Donc, mais c'est intéressant à relever, quoi. Mais là, ils veulent innover, hein, donc voilà, le calendrier révolutionnaire woke, bon, en fait, je suis un peu étonné que ça n'existe pas déjà, ça doit déjà exister probablement, je pense qu'il y a des gogoles qui ont dû faire ça déjà, mais, alors, les gens disent, non, mais arrêtez, bon, les gars, bon, c'est marrant, mais c'est pas sérieux, ils vont pas vraiment faire ça. Alors, beaucoup de gens rigolaient de l'écriture inclusive, hein. Ça faisait marrer tout le monde, moi, je me rappelle, hein, c'est-à-dire que quand j'étais jeune militant, moi, il y avait des gogoles qui écrivaient en écriture inclusive. Généralement, c'est des trucs antifascistes qui faisaient ça. Et c'était même pas aussi radical que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se cantonnaient à mettre des tirets pour mettre le genre féminin. Voilà, quand il y avait une fille, c'était, je sais pas, E accent aigu, tiret, E, tiret, S. Vous voyez. Ça, c'était le maximum. Ouais, écriture inclusive, ils sont beaucoup plus loin. Maintenant c'est carrément, tu sais, t'as les pronoms. Yel. Alors, il y a des fous qui écrivent comme ça, mais vraiment, on vous assure, ils écrivent ça. Yel, c'est hallucinant, ils sont... Donc moi, quand on me dit, non, ils vont pas le faire, si, ils sont fous alliés. Ils croient même, si vous voulez, que les pets vaches font monter la température, ce sont des fous. Donc attention à ces gens-là. Après, hein. Je sais pas s'ils arrivaient à mettre ça en place, au-delà de la bascule démographique dont parlaient Nogaret et Jean, je suis pas sûr que ça serait de manière tout à fait formelle. Moi, je vois ça de manière un peu plus insidieuse, un peu comme tu vois comme ils font avec Noël par exemple. On ne dit plus Noël, ils disent fête de fin d'année ou ils commencent à parler de fête d'hiver. Voilà. Donc du remplacement petit à petit, en effaçant tout simplement, mais en laissant dire les dates formelles telles qu'elles sont, et en remplaçant simplement les symboles. Je pense pas que ça se fasse de manière si formelle que ça. Mais justement, je pense que ton propos va dans le sens de celui de Gandalf, c'est-à-dire que peut-être que ce sera pas brutal comme tu le dis, mais comme dit Gandalf, ce sera fait comme l'écriture inclusive a été fait, et comme autre chose a été fait, encore plus visible, c'est les drapeaux. Tous ces dégénérés ont des drapeaux, ils se pensent comme s'ils étaient un pays en fait, ils les mettent sur les bâtiments publics comme s'ils nous colonisaient l'esprit, etc. C'est une volonté de conquête dans les deux cas. Alors, pardon, la volonté de conquête peut se faire tranquillement par des petits symboles, etc. Mais elle avance petit à petit. Et je trouve que d'ailleurs ton exemple est très bon. On ne dit plus Noël, on dit fête de fin d'hiver, on dit ce genre de choses. Et probablement que ça va toucher d'autres domaines, d'autres fêtes, d'autres moments. Et c'est ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est que le moyen le plus facile, c'est de se calquer sur ce qui existe. On utilise ce qui existe, mais on lui donne une nouvelle signification. Alors Saint-Georges Floyd, ce sera sûrement pour les prier pour les overdoses, mais voilà, ce sera quand même prié au bout d'un moment. Donc vous avez des moments forts comme ça qui servent dans ce calendrier républicain justement à relégitimer le régime en place. Donc on a déjà dit ça, il y a la journée du droit des femmes, on en a entendu parler. Là, on a carrément le mois gay, hein, mais le 17 mai, c'était la journée des droits des homosexuels. Souvent, c'est associé à droit, vous savez. Bon, peu importe, journée de la lutte contre le racisme, etc. Enfin, vous savez, vous avez tous ces trucs qui balisent, justement, et donc qui sont déjà là, en fait, un calendrier alternatif, quoi, voilà. Et donc, c'était la journée de la résistance. Et c'est très important pour le régime français, puisque c'est un régime putschiste qui a été créé en 1944 par une minorité politique, contrairement à ce que les gens croient. C'est-à-dire que le régime républicain que vous connaissez aujourd'hui n'a pas été créé par une majorité écrasante de Français qui ne demandait qu'à être libéré des Allemands. Ça c'est de la fiction. C'est un cartel d'individus, de dynasties, de familles, de groupes d'intérêts qui, en connivence avec bien évidemment les Juifs et l'Angleterre et les États-Unis, ont mis en coupe réglée la France en 1944, dont la figure de proue était évidemment De Gaulle, l'imposteur entre tous, et Thorez, pour les marxistes. Et malheureusement, les Français sont trop peu informés de l'histoire de leur propre pays, n'en ont une connaissance très superficielle, même quand ils pensent connaître beaucoup de choses, bon, à l'exception de quelques-uns, je veux dire, qui sont des passionnés, je veux dire, mais en dehors de ça, la majorité, on n'a vraiment qu'une connaissance très sommaire, hein, y compris justement dans les milieux nationalistes. Et la résistance, c'est la fête à l'imposture. Hein. C'est la fête à l'imposture, parce que la résistance en elle-même est une imposture. Et c'est très important, et c'est ce qu'a toujours dit Vincent Renoir, et je partage vraiment à 100% ce qu'il dit, on ne peut pas comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la logique du système, on ne peut pas comprendre les conséquences de cette logique, y compris au plan racial, migratoire, sécuritaire, judiciaire, etc. Pourquoi il n'y a pas de réaction quand il y a des agressions, des trucs comme ça, si on ne va pas aux racines de ce système. Et les gens, ils se contentent de la mythologie officielle, en fait. Vous voyez, c'est à dire, ouais, mais... D'ailleurs, c'est très ambigu, parce que la résistance, officiellement, c'est chasser l'étranger du territoire français. Bon, c'est plus compliqué que ça. Hein. Ils ont bien compris que... Non, attendez, non, c'est pas chasser l'étranger. C'est chasser l'extrême droite du territoire français. C'est pas pareil, hein, attention, hein, non. Et on nous dit bien, hein, y avait des immigrés dans la résistance, on nous fait bien comprendre, hein, voilà. Donc. Et cette journée était dédiée à ça. Alors vous allez me dire, bon, oui, d'accord, mais quoi de neuf sous le soleil, on a ça tous les ans, machin. Eh bien, d'année en année, ça s'aggrave. Le contenu s'aggrave, en fait. On avait jadis, vous savez, les poussives et fatiguées célébrations, bon... Et maintenant, c'est renouvelé par le fanatisme ambiant d'une gauche complètement radicalisée sur fond de désintégration raciale absolument complète du territoire français. Donc, l'envie d'en découdre, l'envie de renverser le fascisme, le racisme, progressivement, si vous voulez, ces messages sont réinterprétés. Parce que, officiellement, selon la vulgate de plus en plus répandue d'ailleurs, c'est que la France, aujourd'hui, républicaine d'Emmanuel Macron, hein, est un État suprémaciste blanc. La suprématie blanche est encore à détruire en France. Elle n'a pas été détruite avec le départ des troupes allemandes. Elle est encore à détruire. Emmanuel Macron, c'est le visage hypocrite de cette suprématie qui ne dit pas son nom. D'accord ? Et sous l'effet de l'immigration de peuplement en France, comme il y a de plus en plus d'allogènes, et que les groupes gauchistes ont décidé d'utiliser cette masse démographique à leur avantage, comme Mélenchon, eh bien, ça devient bouillant. Et on comprend les appels d'ailleurs de Piolle, hein, à ajouter à l'Holocauste l'esclavage, parce qu'il n'a pas dit la colonisation, mais dans son nouveau calendrier, il y aurait la colonisation. Hein. Il faudrait célébrer la victoire des Algériens contre la France en Algérie, bien évidemment. Ah ouais, et on en associerait d'autres. Hein. Donc, il y aurait probablement d'ailleurs, tous les trucs là. Comment il s'appelle l'arabe qui avait été balancé dans la Seine là ? C'était marrant ça. C'est un saint de la République aussi, celui-là. Tous les ans, il le commémore. J'oublie le nom du bouillou. Peu importe. Il y a des Bounas aussi. Ah oui, dans le transfo. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est de l'oppression aussi. Hein. Les cons, ils savent pas qu'un transformateur, il y a l'électricité dedans. Oui, tout à fait. Voilà. Alors. Donc, ça a vocation, si vous voulez, à agréger. Ça a vocation à agréger des trucs autour de soi. Et c'est ce qui se passe. Alors, je vais vous mettre un extrait audio et vous avez pas les images. C'est bien dommage. Mais ça se passe à Grigny. Alors, c'est une synthèse, ce truc. Moi, j'ai été conquis. Ça se passe à Grigny, c'était le 27 mai, pour célébrer la résistance. Grigny est une ville communiste. Alors vous allez me dire, c'est pas la première chose à laquelle je pense quand je pense à Grigny. je pense à des nègres. Oui, vous avez raison, mais elle est communiste quand même. Et alors, ils ont. Alors, je vous cite le tweet du maire, Philippe Rio, d'origine bretonne. Hein, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Les enfants de l'école Jean Moulin, de Grigny, chantent le chant des partisans. Extrait. Amis, entends-tu des cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Tché ! Non, ohé ! Ça, c'est. Tché, ça c'est sur le. C'est les bougnoux qui parlent. Ohé, partisans, ouvriers et paysans. Bah, à Grigny, on n'a pas beaucoup des ouvriers et paysans, mais bon. C'est l'alarme ! Liberté, égalité, fraternité. Donc le délire républicain. Alors on écoute et on se retrouve. Est-ce que vous y croyez à ça, là, je veux dire, à la ferveur résistante des têtes crépues qu'on voit sur la... Il n'y a plus un blanc, ça c'est fini. Il n'y a qu'une blanche, c'est la grosse de l'éducation nationale, là, qui les fait chanter. Il y en a deux, il y a deux dindes de l'éducation nationale. Les deux sont blanches, tout le reste, c'est... ça me rappelle un peu les colonies. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, cette vision, là, le chant des partisans, les basanés, si vous connaissez les éléments saillants du chant des partisans, ça... Ça peut vous inspirer aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui veut commencer là-dessus ? Heureusement, on ne parle pas allemand. On parle arabe, mais... Non, bah, c'était bien la peine de repousser nos amis allemands il y a 80 ans pour en arriver là. Hein. Je pense qu'effectivement, Jean Moulin serait ravi de voir ça. Non, au niveau de toutes les têtes crépues là, qu'on voit, on voit qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. En fait, on les a mis là, on leur a dit « bon, bah, tu chantes ça ». Ils essayent de faire des bruits avec leur bouche, ils essayent de suivre un peu les paroles, tant bien que mal, et ils savent même pas de quoi on parle, en fait. C'est juste des nègres qu'on a foutu là. Ça fait des jolies images, façon de parler pour le régime, pour le maire qui espère certainement gagner, gratter quelques voix dans la commune. Et c'est tout. Mais c'est d'une nullité, en fait. C'est d'une nullité au niveau de ces gens-là, hein, c'est tout. Quelqu'un d'autre? Oui, je crois que si Vincent était là, il nous expliquerait que c'est la logique finale de la société qui a été bâtie en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je suis tombé récemment sur un chant de l'armée française qui s'appelle Les Africains. Et alors, les Africains. Bah, par contre, les Africains, c'est sous-entendu les troupes d'Afrique. Hein, c'est un petit peu... Oui, mais bon, sur toutes les images d'illustration, on voit des nègres hein, quand même. Oui. C'est vrai que c'est plutôt censé être des militaires blancs basés en Afrique qui vont se battre, mais c'est quand même un chant de 1943 pour libérer la patrie. Oui. Et il y a quand même une... Et de toute façon, il y a des Noirs dans les troupes coloniales. Enfin, c'est évident, je veux dire, ça fait pas... Exactement. Oui. Et donc, en fait, c'est le projet français depuis les années 40 qui s'accomplit là, à Grigny, en banlieue parisienne, de faire chanter des petits nègres sur la défense de la patrie et de leur expliquer... On est toujours dans la même idée de la France empire colonial avec ces nègres et... Tant qu'on aura cette classe de gens, donc tu parlais de la grosse de l'éducation nationale, mais il y a des tas de fonctionnaires, des gendarmes, des francs-macs, ce que tu veux, qui adorent ça. Ils en veulent plus, il leur faut de l'empire colonial, il faut qu'ils commandent des nègres, qu'ils les guident à la baguette, et que il les fasse chanter sur la défense de la patrie qu'est la France. Alors, patrie, c'est quand même un mot de racine latine qui vient de pater, le père. Donc, le père de ces nègres, c'est un gorille d'Afrique subsaharienne. Ça n'a rien à voir avec la patrie française. Donc, c'est en fait le bout de la logique. On va aller tout au bout, c'est-à-dire on aura ça sur tout le territoire et donc les nègres vont finir par prendre le contrôle une fois qu'ils se seront débarrassés de ces gens qui croient les diriger, mais qui en fait, comme ils eux-mêmes font pas ou peu d'enfants, la classe blanche qui est à fond dans ce programme, ils vont naturellement disparaître et on va nous qui sommes contre ce projet allons nous retrouver en tête à tête avec leurs créatures qui elles font beaucoup d'enfants. C'est la France qui se consume de devenir nègre, comme l'avait annoncé Céline dans ses écrits. Hein. Ah bah oui, là on est, oui là on y est face. Hein. Alors je précise que comment dirais-je, le chant des partisans. Alors c'est un incontournable de l'armée française. C'est un incontournable. L'armée française a été reconstruite sur la base du mythe résistentialiste. Hein. Ça les gens ne le savent pas. C'est une armée antifasciste, l'armée française. Il y a une grosse incompréhension, parce que tous ceux qui sont attirés par le métier des armes en France, souvent des blancs, hein, et qui veulent, pour différentes raisons, mais qui veulent, par idéalisme, quoi. Bon, mais ils arrivent dans une institution qui a été profondément refaçonnée par les juifs, par les loges maçonniques, par le régime républicain, depuis 80 ans. Et ça, il faut le comprendre. L'armée française à la fin du XIXe siècle, c'est quoi? C'est une armée qui est monarchiste ou bonapartiste, de toute façon tenue par des aristocrates nationalistes et antisémites. Le grand tournant, c'est l'affaire Dreyfus, les gens le savent. Grand tournant pour le régime, grand tournant pour l'armée française. L'armée française va être profondément brisée et démoralisée par l'affaire Dreyfus. Il va y avoir une grande valse politique au sein de l'armée française durant toute la pour la première moitié du XXe siècle. Hein. Et De Gaulle a achevé l'armée française après l'échec du putsch d'Alger. Le putsch d'Alger, c'est le chant du cygne de l'armée française. Après, il n'y a plus d'armée française. Vous avez un objet, un instrument, avec des gens qui sont des techniciens, qui sont compétents, probablement des gars qui sont prêts même à mourir, qui meurent, mais vous n'avez plus l'armée française, ça n'existe plus. Vous avez l'armée du régime. Ça, c'est complètement différent. Et ils sont conditionnés. Hein, on va dire, oui, mais à Saint-Cyr, il y a des gars qui sont bien, ils résistent, bien sûr. Mais l'instrument est au service de qui vous avez. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, ce que tu dis, c'est très évident. Hein, les chants, machin. Et le chant des partisans, c'est un incontournable parce que c'est pratiquement, le chant officiel de l'armée française. Alors, il y avait deux grands mouvements démographiques. C'est des ordres de grandeur qu'il faut pas. Voilà. Il y avait le grand mouvement blanc germanique et le grand mouvement de la négritude. Je résume à deux grands traits. Les juifs ont décidé d'utiliser le grand mouvement de la négritude démographique pour leur basse besogne. Et puis, de l'autre côté, c'était les Allemands. Alors, ceux qui sont à courte vue, évidemment, ils ont mangé du Bosch. Et ils ont bouffé du nègre. Il y en a partout dans toutes les rues de France, maintenant. Partout, ils sont partout. La plupart s'en félicitent, d'ailleurs. Mais c'est ça. Et maintenant, vous n'avez que le choix d'épouser le nègre, d'épouser l'invasion qui vient d'Afrique. Vous n'avez pas d'autre solution. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, c'est ça le futur. Et le chant des partisans sert à rappeler la fonction de l'armée, sa nature, donc il s'agit bien de tuer des fascistes, de tuer des blancs, de tuer des Allemands, donc l'Allemand imaginaire, hein, c'est l'Allemand, Finkielkraut avait écrit un bouquin qui s'appelait Le Juif imaginaire, très inintéressant. En revanche, l'Allemand imaginaire, il faudrait écrire un livre là-dessus, l'Allemand imaginaire qui est présent dans toutes les caboches en France, c'est-à-dire le blond, l'homme blanc, l'homme du Nord, vous voyez, l'Aryen, c'est ça qu'on combat imaginairement aujourd'hui en France, c'est ça qu'on combat très activement. Et c'est ça qui sert à justifier l'importation de millions et de millions d'halogènes. Et le chant des partisans, c'est un appel à tuer. N'oubliez pas, à la balle et au couteau. Et à l'alarme, hein. Attention, quand tu reçois le signal, le fusil, le couteau, faut tuer le fasciste, faut tuer. Eh oui, mais ceux qui chantent ce chant ne doivent pas oublier que fasciste, c'est une hyperbole pour désigner l'homme blanc. Les Français de souche sont des blancs. Quand on dit tuer le fasciste, aujourd'hui, ça veut dire tuer l'homme blanc. Faut tuer l'homme blanc. Donc, il y a ceux qui veulent mourir. Bon, ça c'est les gens de gauche. Bon, ils veulent crever, ils vont crever, tant mieux. Mais ceux qui naïvement reprennent ce chant ne mesurent pas qu'ils chantent, ils concélèbrent leur propre disparition raciale. C'est ça que ça veut dire. Il a été écrit par qui ce chant ? Par deux youtres, donc par Joseph Kessel et par Maurice Kessel, qui deviendra Maurice Druon. N'est-ce pas ? Dont De Gaulle adorait la lecture. Passage, je précise. Donc, c'est les deux rabbis qui venaient, les deux rabbis ashkénazes qui ont écrit ce chant antifasciste au sous-texte génocidaire contre la race blanche. Il est enseigné aux nègres, il est enseigné aux bicots, comme on vient de le dire. Là, voilà. Alors, vous allez me dire, comme c'est ce qu'a dit docteur, ouais, mais bon, ouais, ils savent pas trop. Bien sûr, les noirs, ils ont pas de la suite dans les... Bien entendu. Mais, les fachos, ah, il faut les planter, les fachos, hein, faut pas que les fachos, ils passent. Ah, ouais, d'accord, ok, mais si demain Marine Le Pen a gagné son présidentiel, qui c'est qu'on va tuer ? C'est les flics, non ? C'est les flics de Marine Le Pen. Ce ne sera pas la police de la République quand ce sera Marine Le Pen la présidente de la République, si jamais un jour elle devient présidente. J'en sais rien. Bon, mais elle devient présidente de la République. Il n'y aura pas la police républicaine. Ça sera complètement oublié. La gauche passera ça par perte et profit. Le grand rabbin de France passera ça par perte et profit. Le CRIF passera ça par perte et profit. On dira, non, c'est la police le péniste. Comme il y avait une police vichiste. C'est pas la police française. C'est pas, non, ça c'est la police des fascistes, c'est la police des racistes, n'est-ce pas ? Ah bah à ce moment-là, le chant des partisans, ah bah ouais, c'est pas des flics, c'est des miliciens, c'est des salopards racistes, faut les planter. Bon, ils les plantent le reste de l'année quand ils ont l'occasion, ils leur balancent des cocktails Molotov quand ils sont d'extrême-gauche. Mais voilà, donc c'est vrai, la mécanique est en place. Et les gens ne comprennent pas, Marine Le Pen ne le comprend même pas. Moi je sais pas si elle veut vraiment devenir présidente de la République, peut-être pas, je souhaite pas. Hein. Parce que si elle devient présidente de la République... Traitement pétain. Avec ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça finit dans un box. Si jamais les autres gagnaient, je veux dire. Et ce serait dommage, parce qu'en plus, la comparer au maréchal Pétain, quand même, c'est cruel pour le maréchal. Bon, mais bref. Mais c'est ça, vous comprenez la mécanique terrifiante Tu dis les flics, mais tous les électeurs, donc tous les blancs en France, ce sera traitement et épuration aussi. Oui, mais c'est bien que. Comme le policier porte l'arme, il porte symboliquement le phallus, donc l'autorité. Et comme il porte l'autorité, c'est lui qui excite la haine. Si jamais ils avaient Marine Le Pen comme chef de l'État, il y aurait une vague de démission, je crois. De gens, même pas tellement par antifascisme. Hein. Ils veulent pas crever pour 2000 euros. Voilà. Mais c'est ça, je veux dire, la mécanique est en place. Parce que ça, c'est pas... Ils le disent d'ailleurs, le devoir de mémoire, il ne faut pas que ça se reproduise. Ils le disent tout le temps, vous le savez. Il ne faut pas que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'ils diront si Marine Le Pen est élue ? Ils diront, voilà, ça se reproduit, ça y est, on a vu, voilà, on sait où ça a mené, vous connaissez le truc, Vincent répète ça tout le temps. On sait où ça a mené, il faut résister, ça sera comme ça. Mediapart parlera comme ça, Le Monde parlera comme ça, Libération parlera comme ça, toute la presse pratiquement parlera comme ça, comme aux États-Unis quand Trump a été élu, 95% de la presse était contre lui. Mais ce sera beaucoup plus grave, parce qu'ils vont utiliser tout l'imaginaire antifasciste, toute l'efférence de la Deuxième Guerre mondiale, pour attaquer la pauvre Marine Le Pen, qui est une femme à chat de centre-gauche, qui a aucune suite dans les idées, qui ne veut absolument rien faire, mais elle sera pétainisée avant même d'avoir dit ouf, et les autres vont déclencher les hostilités. Vous verrez qu'il y aura des violences. Mais là, si vous avez l'impression qu'il y a des violences contre les flics, ça ne sert à rien. Je veux dire, il y aura des gens qui vont sortir des armes, ils vont tirer sur les flics pour les tuer, vous entendez bien, pour les assassiner. Ils vont chercher à assassiner les policiers, à assassiner les gendarmes. Les groupes d'extrême-gauche seront en pointe là-dedans. Il y aura un véritable climat de guerre civile. Les bougnoules, évidemment, les gangs, voyant ça, ils vont dire, mais c'est l'opportunité unique, ça y est, on peut enfoncer un coin, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Voilà, c'est ça que je crois que les gens ne mesurent pas. Parce que tous ces médias-là, tous ces profs de gauche-là, ils vont donner carte blanche à la violence généralisée contre tout ce qui leur paraîtra être ennemi, voilà. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et je suis pas sûr. Parce que moi, je vois la droite, machin, il faut gagner l'élection, etc. Mais ils sont pas prêts pour ce qui est en train de couver, là. Ils sont pas prêts du tout. Ils sont pas prêts. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est la logique révolutionnaire qui suit son cours, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, pousser toujours plus loin dans la direction que l'on veut. C'est-à-dire que bon, voilà, Marine Le Pen ne présente aucun danger, mais sera présentée comme un danger. C'est pas le réel qui importe, c'est la façon dont on le représente finalement. Bon, après, à savoir comment ça se passera, il se peut aussi que ça se passe plutôt comme en Italie, c'est-à-dire qu'il y a déjà que le renoncement a commencé, mais il y aura un renoncement direct à tout ce qu'elle a pu défendre, même timidement, aujourd'hui. À savoir, bon, si maintenant, est-ce que ce sera un climat de guerre civile ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Le problème, c'est que les gens, autant ils ne sont pas prêts à agir dans notre cause pour certaines raisons, notamment le confort, etc., autant j'ai l'impression qu'ils ont aussi sont peu enclins à agir. C'est-à-dire que, par exemple... enfin, agir tout court, pardon. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde là ce qui se passe à Grigny, etc., c'est du symbolique, finalement. Ils reprennent un symbole qu'ils ne comprennent pas, hein, d'ailleurs. Comme tu l'as dit, il faut le lire, hein, il faut le comprendre, ce chant. Mais ils ne le comprennent pas, mais c'est un symbole. C'est un petit peu comme lien... pour ceux qui ont pu en voir, etc., les Italiens classiques, ils vont vous chanter ce chant à la con de Bella Ciao, sans comprendre en fait d'où ça vient. C'est simplement un symbole, ouais. C'est bien beau, mais voilà, et l'histoire, c'est pareil, ils la comprennent pas, et ça, c'est encore plus terrible quand on regarde la droite qui, justement, va dans le résistentialisme, va reprendre le résistentialisme en disant... Jean Moulin est avec nous, Jean Moulin aurait été des nôtres, etc. Alors oui, peut-être qu'on voit l'UFN, on peut se dire qu'il aurait peut-être été au FN, mais voilà, je pense qu'en fait, c'est un peu le problème général, c'est que tout s'arrête au symbole et il n'y a plus de volonté de lutte, malheureusement, dans le peuple. Attention, d'un sens ou dans l'autre. Attention, moi je suis d'accord avec toi, j'ai dit, les Noirs et machin ne sont pas des intellectuels qui rentrent dans le détail. Mais ils ont juste besoin qu'on légitime leur violence, qu'on donne un sens à leur violence. Et la gauche a besoin, si vous voulez, des couteaux arabes et noirs pour ses buts. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de prolétariat, ils disent la classe ouvrière, les paysans. C'est ça, le genre des partisans. Ouvriers, paysans, ils n'ont plus les paysans, il n'y en a plus. Les ouvriers, ils n'ont pas non plus. Ils votent FN. Donc comment tu fais? Il faut bien aller voir ceux qui veulent bien porter un couteau et tirer des balles. Ah, okay. Donc tu as compris ce que je voulais dire. Macron, c'est ce qu'il dit. Alors le CNR, alors c'est un truc, oula, ça me donne ça me donne envie de m'engager dans la FNSS. C'est dommage, il ne recrute plus. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est on parlait du calendrier républicain, on est en plein dedans. Hein. 27 mai 1943, compte officiel de Macron, hein. 27 mai 1943, 48, rue du Four à Paris, rue du Four, messieurs, rue du Four, au nom de la France républicaine, là déjà rien que ça tu sais qu'il parle de Marine Le Pen, mais ça c'est extraordinaire ça, en vue de la victoire, Jean Moulin rassemble sur mandat du général de Gaulle la première réunion clandestine du Conseil National de la Résistance, hommage à tous les héros de la résistance. Alors, il faut savoir que le CNR comportait sa bonne quantité de communistes. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est une communiste. Voici ce qu'elle nous dit Macron dans la foulée, parce qu'elle est morte le même jour, le 27 mai, donc, où on commémore la création du Conseil National de la Résistance, que je viens de citer. Alors, Emmanuel Macron encore. Résistante à 15 ans, fiancée de Guy Moquet, entre guillemets, à Châteaubriand, communiste et combattante inlassable, Odette Niles représentait un siècle d'engagement et de liberté. Nous continuerons à porter son œuvre de mémoire. Alors ça, messieurs, c'est extraordinaire. Alors, tu parlais de la droite, l'imposture de la droite. On va y revenir parce qu'effectivement, on a un exemple à aborder. C'est très important parce qu'il faut déconstruire tout ça parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est tellement important pour notre militantisme au quotidien et pour l'avenir. Je vous assure, c'est pas du passéisme. La preuve, ça nous tombe de partout dessus. Les médias, Macron, la présidence de la République, ça, ils font une journée spéciale, etc. Donc ça compte, je veux dire, ça compte. Ceux qui veulent dire, non, c'est le passé, etc. On aimerait que ce soit le passé, mais c'est pas le cas. Alors, qui est Guy Mocquet ? C'est un jeune adolescent qui est le fils d'un député communiste. C'est très important à savoir. Il est arrêté le 15 octobre 1940. Et tel que les choses sont présentées, Guy Mocquet serait un résistant. Mais le 15 octobre 1940, le Parti communiste ne résiste à rien. Le premier acte officiel de la résistance communiste en France, ou ce qu'ils appellent la résistance communiste, enfin, les groupes armés communistes en France, remonte à août 1941. Le premier acte officiel des communistes, du Parti communiste en France, armé contre la présence allemande sur le territoire français, remonte au 21 août 1941, contre un aspirant de marine, l'aspirant Moser, à la station Barbès-Rochechouart. Il a été abattu là. En août 1941. Pourquoi en août 1941 et pas avant ? Eh bien parce que, jusqu'au 22 juin 1941, il y a un pacte de non-agression entre l'Allemagne nationale-socialiste et l'Union soviétique. Et que l'ordre n'est donné par Moscou à tous les partis communistes d'Europe et du monde d'entrer en action contre l'Allemagne nationale socialiste et l'Axe qu'à partir du moment où le territoire de l'Union soviétique a été attaqué par l'Allemagne, le 22 juin 1941. Donc jusqu'au 21 juin 1941, le Parti communiste français a pour consigne de la part de Moscou d'observer une stricte neutralité, et même une neutralité bienveillante à l'égard de l'Allemagne. Et ça va beaucoup plus loin, je l'ai déjà dit. Lors de la guerre entre la France et l'Allemagne, entre le 3 septembre 1939 et la signature de l'armistice en juin 1940, le Parti communiste français a été interdit par le gouvernement de la Troisième République de Daladier. Pour intelligence avec l'ennemi, en vertu du pacte germano-soviétique du 23 août 1939, donc une dizaine de jours avant. Le gouvernement français est pleinement conscient que l'Union soviétique a donné en quelque sorte les moyens à l'Allemagne de frapper à l'ouest, grâce à ce pacte de non-agression. C'est-à-dire qu'entre l'Allemagne et l'Union soviétique, il y a une assurance qu'il n'y aura pas d'hostilité. Et donc, Staline se libère de cette menace. Immédiatement, la République française dissout le Parti communiste, qui défend le pacte. Du coup, à partir de septembre 1939, le Parti communiste est un parti interdit pour trahison, intelligence avec l'ennemi, en l'occurrence l'Allemagne. Et on va prendre sur le fait toute une série de militants communistes à saboter la production de matériel de guerre français, l'effort de guerre français contre l'Allemagne nationale-socialiste. Sabotage de moteurs d'avion, etc. Plusieurs d'entre eux seront fusillés par des cours martiales de l'armée française, avant même la défaite de l'armée française en 1940. Personne ne le sait. Alors la question c'est pourquoi les communistes ont trahi la France ? Mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas informés de ce qu'est le communisme. Les communistes ne trahissent pas la France. Leur véritable patrie, c'est la patrie du prolétariat. Ces gens ont une vision du monde qui est fondée sur la lutte des classes, telle qu'enseignée par Lénine et Marx. Ils n'ont aucune fidélité à l'égard de leur pays. Ils ont une fidélité à l'égard de leur classe, la classe ouvrière, dirigée par le Parti communiste. En l'occurrence, le Parti communiste de l'Union soviétique. Et les partis frères, comme on les appelait, les partis communistes des différents pays. Donc, pour un militant communiste, il n'y a qu'une patrie en 1939, c'est l'Union soviétique, la patrie des travailleurs. La France, c'est le pays. C'est pas pareil. C'est pas la patrie, c'est le pays. Donc, quand Moscou donne l'ordre de faciliter le travail de l'Allemagne pour détourner de l'Union soviétique la menace, et que la République française réagit, la Troisième République réagit en dissolvant le Parti communiste, les communistes entrent en clandestinité et continuent d'appliquer la ligne du parti, qui est une politique de solidarité avec l'Union soviétique. Et alors, la presse du parti, clandestine, continue d'imprimer. L'humanité continue de paraître. Il est interdit, mais il continue de paraître clandestinement. On fait circuler des feuilles de l'humanité, des slogans sont imprimés, sont diffusés, et on invite à quoi ? À non seulement à saboter le matériel, mais à fraterniser avec les Allemands. Il y a des slogans qui sont adressés en ce sens aux ouvriers communistes, fraterniser avec les Allemands. Comme il disait, le soldat allemand est un prolétaire en uniforme. Il est comme vous, tendez-lui la main. Et Guy Môquet, en octobre 1940, applique cette ligne. Et il est pris sur le fait, d'abord il est arrêté en vertu d'une loi anticommuniste de la Troisième République, et le gouvernement de Vichy ne fait que continuer d'appliquer la mesure prise en septembre 1939 par le gouvernement républicain contre le Parti communiste pour trahison. Donc il est arrêté pour fait de trahison et pour fait d'intelligence avec l'Allemagne, et non pas pour fait de résistance, c'est ça le plus fascinant dans la réécriture de l'histoire. Et il distribue des tracts. On a retrouvé ces tracts, on a des copies de ces tracts. Ce sont des tracts qui dénoncent le capitalisme, qui dénoncent les fauteurs de guerre, qui appellent à la paix, etc. Qui appelle pas du tout à la résistance. Donc il est arrêté pour ça en octobre 40. Il est détenu. Et plus tard, en 1941, quand les premiers attentats commencent, après l'invasion de l'Union soviétique, le Parti communiste opère un virage à 180 degrés sur ordre de Moscou, rentre en lutte contre l'occupant allemand, mais simplement parce que l'occupant allemand occupe la France, mais parce qu'il a attaqué la patrie des travailleurs dont j'ai parlé, la patrie de la classe ouvrière qu'est l'Union soviétique. C'est simplement quand il touche à l'Union soviétique que les communistes français acceptent de réagir, pas quand il touche au territoire français. Et là, ils commettent des attentats. J'ai cité le premier, il y en a d'autres qui suivent, et notamment celui de Nantes. Il y a un officier qui a été assassiné. La tactique cynique des communistes est la suivante. Elle est implacable, sanglante. Elle a été théorisée par Trotsky, le chef de l'armée rouge, en 1918. C'est la guerre révolutionnaire. On cherche sciemment à provoquer l'ennemi pour qu'il mène des représailles contre la population civile. Ça excite la population civile et les cellules de propagande qui sont présentes dans la population, les cellules de propagande communistes, travaillent la population pour des recrutements. Donc, les communistes vont méthodiquement tuer des officiers allemands, non pas parce que militairement ça a du sens, mais dans l'espoir que les Allemands vont assassiner des Français. Quand ils assassinent des Français, on va ensuite distribuer des tracts, on va ensuite distribuer de la propagande, des journaux clandestins, etc. Et on va dire, rejoignez-nous, les Allemands sont des salauds, etc. Mais il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les collaborateurs, les collaborateurs de classe, les bourgeois, etc., vous savez. Et le cycle recommence comme ça perpétuellement. Donc, quand les communistes vont assassiner les Allemands, ça n'est pas pour faire partir les Allemands du territoire français. C'est pas dans un but militaire. C'est dans un but de guérilla révolutionnaire pour dresser la population contre non seulement l'Allemand, mais aussi contre le gouvernement en place, contre les classes dirigeantes en place, et ensuite pour faciliter le recrutement et qui doit mener ultimement au putsch révolutionnaire. Et Guy Môquet, et il faisait sa propagande à ce moment-là, il est détenu ensuite, vient l'attentat de Nantes contre un lieutenant-colonel qui est assassiné, et là les Allemands, je dois le dire très stupidement, tombent dans le piège du Parti communiste, parce qu'ils exigent des dizaines d'otages. Ils veulent faire de la répression pour intimider la population. Pucheux, ministre de Vichy, de l'Intérieur, beaucoup plus fin politiquement, dit aux Allemands, il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça, vous allez, non seulement vous allez vous rendre extrêmement impopulaire dans la population, mais vous faites le jeu du Parti communiste. Donc, s'il faut faire de la répression pour les attaques du Parti communiste, il faut frapper des communistes. Quand les communistes font couler le sang, il faut que ce soit des communistes qui payent dans le sang. Et là, il dit, nous avons des communistes en prison. Pour chaque attentat, on n'a qu'à faire fusiller des communistes. Et les Allemands se rallient à la proposition de Pucheux. Proposition frappée au coin du bon sens. Et c'est là que toute la bande est fusillée, dont Moquet. Mais surtout, à la veille de ces exécutions, le Parti communiste, cynique jusqu'au bout, sait ce qui va se passer, il est parfaitement renseigné, ils ont des espions partout, fait évader les éléments les plus importants du parti qui sont détenus à Chateaubriand. Donc il y aura une évasion, on va faire évader les éléments importants. Donc leurs petits gars, eux, ils vont les sauver. Et ils vont laisser les petites mains se faire éliminer par les Allemands. Et ensuite, c'est le cynisme total, après-guerre, ils vont en faire des martyrs, alors qu'ils les ont laissés crever en tôle. Vous voyez ? C'est le Parti communiste. Ça, c'est le Parti communiste. Personne ne sait ça. Personne n'a étudié la méthodologie du Parti communiste. Ou alors très peu, ou alors ce qu'on en sait, c'est tellement académique que les gens ne vont pas lire. Et Macron ne peut pas le savoir. Ne peut pas ne pas le savoir, je veux dire. Il le sait que l'histoire de Guy Moquet, c'est du flan. Parce que rappelez-vous que le dirigeant du Parti communiste, auquel répond Guy Moquet, c'est Thorez. Mais Thorez est où avant la déclaration de guerre? Mais il fout le camp en Belgique, direction l'Union soviétique. Il déserte. Le premier déserteur de France, c'est Thorez, le chef du Parti communiste. Il va passer toute sa guerre à Moscou, à piloter avec ses comparses les différents coups tordus que le Parti communiste mène à droite à gauche, les assassinats, braquages, etc. Et Staline, parce que De Gaulle, mendiant comme il était pour sa légitimité, a été à Moscou lécher les pompes de Staline. Et Staline lui a dit, en des termes bon diplomatiques, lui a dit, vous allez reconnaître Thorez, et il va rentrer chez vous. Ça sera lui le chef du Parti communiste. De Gaulle a dit d'accord. Et il est revenu en avion, le père Thorez. Il est revenu en avion en France. Et sitôt qu'il a posé le pied à Paris, Thorez, comment il a été présenté par la presse communiste et par l'ensemble des médias, y compris par le régime, comme le premier résistant de France. Vous m'entendez bien? Le premier résistant de France. Le premier déserteur a été présenté comme le premier résistant. Un mec qui se serait amusé à dire « Thorez est un traître », il prenait une balle dans la tête en 1945. Il y avait toutes les bandes armées rouges dans toutes les rues. Ça, c'est la réalité de l'histoire. Voilà, donc tout a été escamoté. L'affaire Moquet, c'est une escroquerie de A à Z. Il a été fusillé parce qu'il y avait des représailles. On peut parler d'ailleurs de la philosophie choisie par les Allemands. Il aurait fallu, je pense, une politique antiterroriste beaucoup plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous dire qu'on présente Moquet comme un résistant. C'est tout l'inverse! Il participait de l'effort du Parti communiste d'affaiblir l'armée française pour s'assurer qu'elle perd. C'était voulu par Staline, c'était voulu par les bolcheviks. C'était ça qu'ils ont fait. Tous les députés communistes, dont le père Moquet faisait partie du groupe communiste, ont été arrêtés. Ils ont été envoyés en Algérie sous bonne garde, tellement qu'ils étaient dangereux comme traîtres en puissance. Vous voyez ce qui s'est passé? Ben voilà, personne ne le sait. Alors moi, je voulais insister là-dessus, parce que quand j'ai vu ça, à ce niveau de responsabilité, c'est incroyable. Sarkozy avait voulu aller dans cette direction-là, à faire lire le souvenir de Guy Moquet à l'école. Il n'arrête pas avec Guy Moquet. C'est une imposture du Parti communiste. C'est une imposture du Parti de traître. Parti de traître. Et alors, et j'en termine, je sais que c'est un monologue, mais il faut faire litière, il faut que les gens le sachent, il faut que nos auditeurs le sachent. Quel était l'objectif de tous ces communistes en 1944? Je l'ai dit la semaine dernière, mais j'y insiste, c'était d'établir une république communiste en France, une république soviétique, pour faire la révolution à laquelle ils aspiraient tant et à éliminer des millions de gens en France, ok? C'est ça qu'ils voulaient faire. C'est pas rétablir la république, la liberté, je sais pas quoi. Quand vous entendez cette espèce d'enculé de Macron dire que la vieille hyène communiste dont on a entendu parler voulait défendre la liberté, mais c'était une vieille salope de communistes qui voulait établir une république communiste stalinienne! Ça se serait converti en millions de morts. Cette vieille salope, moi j'irais pisser moi-même sur sa tombe si j'en avais l'opportunité. Et on nous sert exactement l'inverse. Et regardez où ils nous ont menés, il suffit de se balader dans les rues pour voir ce que voulaient les communistes. On était à Grigny juste avant. Ouais, ça c'est notre réalité. Et on ne le sait pas, tout le monde est désinformé là-dessus. Les mythes continuent d'avoir cours. Et du coup, on célèbre nos assassins. Ceux qui veulent nous amener jusqu'à la fosse commune, parce que c'est ça leur projet. Voilà, alors ça c'était ma grosse gueulante du jour, sur toute cette histoire de résistance, toutes ces histoires de communards et tout ça. Non, ce sont des chiens, des traîtres, les communistes sont des bâtards en puissance, et il n'y en a aucun de bon. Et les souverainistes, faut pas les perdre de vue, ceux-là. Philippot, du Pontaignan, tous ces enculés de gaullistes, et ils portent bien l'annonce tous des PD. Ces mecs-là se sont solidarisés en 1944 des communistes, en sachant qu'on risquait de se bouffer une république soviétique sur le coin de la figure. Ils ont préféré, par ambition, par nihilisme, s'associer aux communistes plutôt que d'éviter la catastrophe qui nous pendait et qu'on n'était pas sûr de pouvoir y échapper. Ils ont préféré faire le jeu de ces gens-là plutôt que de faire acte de défense de la civilisation occidentale. C'est quand même vous dire jusqu'où ils étaient prêts à aller, ces ordures de gaullistes. Les mêmes ensuite qui ont trahi sur tout, absolument tout. Eh bien, ces mecs-là, ils sont encore en train de faire des bisous à des membres du Parti communiste au nom de la souveraineté, de tout ça. C'est du flan. Ces gens-là sont des ennemis depuis toujours. Ils ont toujours voulu détruire, toutes les choses saines qui existaient en France et en Europe. Ça a toujours été leur objectif. Ce sont des incendiaires, des assassins, des criminels. Ils ont toujours prêté la main aux bandits rouges et ils continuent. Donc il faut pas se laisser attraper par leur démagogie en disant on va rendre le pouvoir. Enfin, c'est de la démagogie ça. Ces gens-là, ils ont toujours prouvé au fil de l'histoire qu'ils étaient prêts à trahir systématiquement. Moi, ça me met hors de moi. Je voulais le communiquer aujourd'hui à tous nos auditeurs. Il y a personne qui le dit et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un tout petit peu après. Mais le RN se fait le jeu de ça, l'Action française se fait le jeu de ça, etc. Et alors autant les communistes ils brodent là-dessus, bah c'est bien leur droit parce que bon bah ils défendent leur boutique, mais qu'on retrouve des cons qui se revendiquent du nationalisme pour vendre ça, ça c'est odieux. Et ça, ça ne doit pas avoir cours dans nos milieux autant que faire se peut. Voilà ce que je voulais dire. Je vous donne la parole, j'étais trop long, je m'en excuse. Mais bon, voilà, il faut parfois aussi savoir gueuler. Voilà, je vous donne la parole, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pour ma part, pas grand-chose à rajouter à ton propos, Gandalf. J'insisterai juste sur le fait, ça revient souvent dans l'émission, que c'est ce genre d'affaires, que ce soit Guy Moquet, Jean Moulin, Oradour ou toutes ces affaires, il est d'autant plus impératif de débunker tout ça, et c'est là que le travail de révisionnisme, notamment de Vincent Raynouard, mais pas que bien sûr, est primordial. Dans la mesure où il permet de démythifier totalement la religion sur laquelle est bâti le système actuel. Si les gens, tous les golems qu'on croise au quotidien, étaient informés du dixième de tout ce qu'on peut savoir sur ces affaires, le mythe de l'Holocauste, le mythe de tout le système ne tiendrait pas une minute. Donc c'est d'autant plus important de le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et par rapport à la droite qui se réclame du résistentialisme, c'est d'autant plus important de le faire aussi avec ces gens-là, dans la mesure où ces gens-là, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils jouent contre leur propre camp. Bah pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire que quand les autres prendront le pouvoir, ils seront péténisés, c'est ce que j'ai dit, donc ils ne s'en sortiront pas aussi facilement. Oui, Nogaret. Oui, j'allais dire, moi je vais simplement ajouter, dans la continuité un peu de ce que disait Docteur, que pour ma part, voilà, on pourrait, tu l'as dit aussi, on pourrait se demander pourquoi on insiste là-dessus, pourquoi on recherche toujours, alors outre le fait que c'est utilisé comme mythologie par le régime actuel, et que voilà, on pourrait nous dire, oui mais aujourd'hui les communistes, qu'est-ce que c'est 3% de l'électorat, c'est plus rien, etc. Faut garder à l'esprit que au-delà du communisme, qui n'est qu'une forme en fait du marxisme, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de marxisme culturel pour les woke. Les woke, c'est la nouvelle résurgence de cet esprit-là, de cet esprit révolutionnaire contre l'esprit, on va dire, traditionnel, où leur but, ils vont pas l'ouvrir directement comme, en 40, ils l'ont pas ouvert directement, de faire une révolution mondiale, etc. Leur but, c'est quand même ça, même aujourd'hui au woke, c'est de faire une révolution sur leur base, d'aller toujours plus loin. Donc voilà, je pense que il est clairement nécessaire de revenir là-dessus, parce que ces enseignements nous renseignent aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, et il faut faire le lien, et surtout, il faut que la droite commence à faire le lien, ça c'est primordial. Je vais te donner un exemple, un truc qui m'a sidéré. Le Rassemblement National de la Jeunesse, l'organisation de jeunesse du Rassemblement National, je ne sais pas combien ils sont, mais peu importe. Ils font un visuel pour la journée de la résistance. Je suis tombé de ma chaise. Parce que je n'attends pas grand-chose du Rassemblement national, mais alors, à ce niveau-là, on se pince. Donc, communication officielle sur le compte Twitter du RNJ, dites, alors, bon, c'est une citation d'Étienne Dorf, bon, on prend bien ce qu'on veut dans la résistance. Donc, dites bien à tous que je meurs pour la France, pour sa liberté entière, et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Voilà. En cette journée nationale de la résistance, nous honorons la mémoire de tous les héros de la France libre. Tous les héros de la France libre. Voilà. Bon, d'accord. Alors, y a un visuel avec un fifi, avec un brassard tricolore. Ok. Et là, il y a marqué France libre. D'accord. Et puis, il y a un sous-titre en dessous. Où je meurs, renaît la patrie. Citation d'Aragon. Le poète stalinien. Le poète stalinien qui écrivait des poèmes en 1931 à la gloire du GPU, du GPU, c'est-à-dire de la police politique stalinienne dans les heures les plus dures du stalinisme, à la traque de tous les opposants au bolchevisme. Alors je vais, je vais vous donner un extrait, parce qu'il faut quand même citer ça, d'Aragon. Vive le GPU, véritable image de la grandeur matérialiste. Vive le GPU contre Dieu, Chiappe et la Marseillaise. Vive le GPU contre le pape et les poux. Vive le GPU contre la résignation des banques. Vive le GPU contre les manœuvres de l'Est. Vive le GPU contre la famille. Pas moi, hein. Vive le GPU contre les lois scélérates. Vive le GPU contre le socialisme des assassins du type Caballero, Boricourt, McDonald, Zuer, Gieber. Vive le GPU contre tous les ennemis du prolétariat. Ça! C'est cité par le RNJ. C'est les références du Rassemblement National de la Jeunesse. Alors, on va dire, ouais, non, mais ils ne savent pas. Bon, bah, si vous ne savez pas, vous faites autre chose, d'accord? Ok, la connerie, ça n'excuse pas tout. Vous voyez? Donc, voilà, voilà, c'est ça, c'est là-dedans qu'on baigne. C'est là-dedans qu'on baigne. Vous comprenez? On baigne dans le camp ennemi. On baigne dans le camp ennemi. Alors, je vois un autre truc. L'Action française. Alors là, pas mal non plus. L'Action française, déclaration officielle, en date du 27 mai. En cette journée nationale de la résistance, honorons nos anciens qui, dès le début de l'occupation, ont œuvré dans l'ombre pour restaurer l'esprit national et libérer le pays. Qu'ils aient été camelots, vendeurs volontaires ou simples sympathisants d'AF, nous leur devons ceci, etc. Ah bah alors, c'est bien dommage, pourquoi Maurras a fini dans un tribunal en 1945 à ce moment-là? Pourquoi il a été arrêté, le vieux Maurras? Pourquoi il a été arrêté alors? Le fondateur de l'Action française. Pour fait de résistance? Je veux dire, de qui se fout-on? De qui se fout-on? Vous comprenez l'ampleur de l'imposture générale dans laquelle on vit, là? C'est pas acceptable. On peut pas accepter. Que les marxistes soient là-dedans, tant mieux, c'est normal. Que les partisans du régime républicain soient là-dedans, c'est normal, c'est leur boutique, ils ont raison de mentir. Bon, l'Action française, j'attendais rien de ces gens-là, mais je veux dire, officiellement, ils sont censés se revendiquer de Maurras. Maurras a été arrêté en 1944, 45 ensuite jugé, foutu en tôle, pour avoir été un adepte de Pétain, pour avoir soutenu le régime de Vichy. La vieille dame du bout du quai, l'Académie française, a des comptes à régler avec ses académiciens. Pétain d'abord, et puis Abel Bonnard, dont Pétain fit un ministre. Et puis Abel Hermant qui nous enseigna la collaboration. Et puis Charles Maurras, et puis peut-être quelques autres. Pour Maurras, la justice a agi. À Lyon, on a vu Maurras, assisté de Maurice Pujot comme d'une ombre endormie, passer devant la cour. Accusé de crime contre la patrie, on l'a vu ergoter, menacé, trépigné, opposer le fatras de ses abstractions, de ses sophismes et de ses diatribes rageuses. Il a sauvé sa tête, mais la patrie l'a condamné. Né dans ces magnifiques Martigues où il revenait chaque année, que fut Maurras? Une intelligence, mais une intelligence dévoyée. Un talent, mais un talent perverti. Il se rangea en signant plusieurs œuvres fausses, mais brillantes, au nombre de ceux à qui l'Académie réserve un fauteuil sous la coupole. Mais au-delà de cet homme qui ne sut vivre qu'avec ses idées et non avec les hommes, ce sont ces idées que la nation a jugées. C'est cette œuvre corruptrice de l'article écrit chaque jour depuis 35 ans. C'est cette doctrine, mère de tous les fascismes, dont Mussolini se réclamait et qui troubla une part de la jeunesse française. Considérons cette doctrine qu'il enseigne à ses disciples. En servant toujours la France seule, vous saurez servir. Cette doctrine, basée sur la théorie des fausses élites et le mépris du peuple, elle était catholique d'abord. Mais un jour, du siège de Saint-Pierre, le pape l'a condamnée formellement. Elle était monarchiste d'abord. Mais un jour, le descendant des rois de France désavouait Maurras et l'action française. Elle était nationaliste d'abord. Mais ce nationalisme maurassien en arrivait à prêcher la déportation. Il faut donner à l'Allemagne la main-d'œuvre dont elle a besoin, écrivait Maurras. On arrivait à dénoncer les patriotes. Il faut traiter les communistes prisonniers comme des otages et les exécuter sans tarder, écrivait Maurras. La prison perpétuelle, telle est la condamnation de l'homme qui exigeait des têtes. Et l'Académie rejette cet homme qui n'a pas été l'agent de l'ennemi, mais l'ennemi même, cet homme qui a jonglé avec des idées, mais n'a jamais raisonné avec la chair et le sang. Un fauteuil est vide sous la coupole. Pour avoir appelé à faire fusiller les communistes. Ok ? Donc, c'est quoi de quoi le résistant on me parle là ? L'Action française, c'est qui ces gens ? Ils ont déjà des métèques, des créoles dans tous les sens dans leur truc, là, des toutes les races de la terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, la subversion est partout, elle est partout, elle est partout. Il faut la dénoncer, parce que sinon on ne comprend plus rien. Sinon on se met à célébrer nous-mêmes notre propre mise à mort, parce qu'en 1944-45, ce qui a été célébré, c'est la mise à mort de l'homme blanc, mis en scène évidemment lors du tribunal de Nuremberg. Parce qu'au-delà de ça, et Bardèche l'a dit, ça a été cité 15 fois par Vincent dans l'émission, mais... Bardèche l'a dit lui-même dans son ouvrage Nuremberg ou la Terre promise, bien au-delà de l'Allemagne nationale socialiste, bien au-delà du cas de l'Allemagne, il n'y a pas besoin d'être pro-allemand ou je ne sais quoi. C'est un événement politique presque métaphysique qui s'est passé à ce moment-là, d'accord, qui afflige tout le monde. Et tout le monde a été condamné, toutes les formes de nationalisme, de manière indiscriminée. Vous pouvez pas passer votre nationalisme en contrebande, non, mais moi je suis pas nazi, moi je suis anti-allemand, moi ça va, ça passe. Non, ça passe pas, t'es un nationaliste, t'es un raciste, c'est la même chose. Voyez ? Et on l'a vu d'ailleurs avec les guerres de colonisation. Et même on l'a vu avec De Gaulle. Rappelez-vous, en mai 68, CRS, SS. La machine était déjà bien avancée. Quelqu'un là-dessus, ou on passe au sujet suivant ? Moi, juste un dernier propos conclusif. En fait, à y réfléchir, je me demande si le problème de la droite, pas qu'il lutte pour l'État et non pas pour le peuple. L'État, soit au sens monarchique dans le sens de l'AF, ou l'État au sens des souverainistes, l'État français, et ils oublient le peuple. Ce qui fait que le peuple soit blanc, soit marron, ils s'en foutent. Ils se disent simplement, voilà, l'État français est toujours là, quelle qu'en soit la base, sauf qu'ils ne comprennent pas le rapport du peuple avec l'État. Et c'est ça tout le drame, je pense, c'est que, je ne sais pas si c'est par lâcheté ou par bêtise, mais en tout cas, et ils font une erreur de diagnostic et ils luttent pour la mauvaise chose. Jean, par rapport à tout ce qu'on a dit, ce que vient de dire Nogaret, cette convergence vers le résistentialisme, les mythes du régime, est-ce que tu as quelque chose à en dire ? Est-ce que tu penses comme moi que c'est majeur comme erreur, ou il ne faut pas non plus démesurément s'attarder là-dessus ? Comment tu vois tout ça ? C'est-à-dire que dans cet environnement démocratique, tu ne peux pas exprimer des positions autres que ce dont tu viens de parler, ce dont on parle fréquemment. Et donc c'est pour ça que les souverainistes, on peut toujours en entendre parler, des gens comme Asselineau, comme Rougeron, ils continuent de déblatérer leurs bêtises parce qu'ils sont anti-allemands, donc ils sont fondamentalement anti-blancs. Donc ça va, ça reste dans le domaine de l'acceptable. Mais dès que des gens... on a vu récemment avec l'interdiction de toutes les manifestations considérées comme de droite, donc c'est-à-dire tout ce qui a pour objet la défense de l'homme blanc, c'est parfaitement interdit. Donc c'est plus étonnant de voir que le système va au bout de sa logique. Mais bon, là, on a beaucoup parlé de nos ennemis, et je pense que tu t'as bien dit, c'était un événement métaphysique très important en 45, et je crois que nos héros, les Français de la Charlemagne et de la LVF avant, avaient vraiment bien senti ça. Il s'est vraiment passé quelque chose entre 41 et 45, et je crois qu'on peut quand même saluer qu'il y ait eu des Français de grande qualité qui aient pressenti tous les enjeux pour notre race et pour l'Europe. qui se sont allés se sacrifier jusque dans la chancellerie pour défendre Berlin et pour défendre le bunker du Führer. Donc il y a eu des éléments ratios français d'excellente fabrique. Et je pense que ça déteint énormément avec tout ce qu'on vit actuellement, parce que je regardais des images récemment sur les Allemands et l'entraînement de la SS, et après je suis passé sur Twitter et j'ai vu des images LGBT républicano-compatibles, on va dire, et le contraste est tellement énorme entre cette pouillerie communiste, marxiste, juive, et est-ce que nos anciens, nos Aryens de qualité ont pu produire. Oui, je veux aussi saluer les miliciens français qui ont essayé de contenir la terreur rouge et juive, parce que ça se passait c'était militaire, et donc la milice a essayé de contenir toutes ces bandes de terroristes juifs, etc. Donc il faut pas les oublier, les miliciens. Moi, je pense qu'il faut pas les oublier. Pour la nanoque, je vous dis ça, dans mon parcours de pas vraiment j'étais étudiant encore, mais c'était pas vraiment des études au sens strict. Bon, pas ces détails. Et j'étais devenu à. Enfin, je le connaissais du lycée. Et il se trouve qu'on suit le même parcours et on se retrouve à Nantes ensemble. Et c'est que des années plus tard qu'il me dit, mais en fait, je t'ai jamais dit. Il n'y a pas du tout le style, j'aurais jamais cru. En fait, mon grand-père, c'est François Brignot. Et je ne savais complètement pas. Il ne m'avait jamais dit avant. Et je te le dis maintenant, Annie, parce que bon, je connais un petit peu tes idées, donc j'ai confiance, donc je peux te le dire, etc. Et bon, il a suivi son parcours ensuite. Mais voilà, c'était marrant. Et Brignot, ben, donc il a essayé de sauver l'honneur de la milice, qui a essayé justement de d'éviter ce qu'on voit. Hein. Et donc, faut pas oublier la milice dans ce grand combat. Et malheureusement, le maréchal Pétain, bon ben voilà, on va pas accabler le maréchal Pétain parce que bon, c'est bon, il a suffisamment de contenteurs pour voilà. Mais évidemment, on n'était pas l'homme de la situation en raison de son grand âge, de conceptions qui étaient des conceptions vénérables, mais du siècle précédent. Et voilà, donc il s'est employé à essayer de limiter, on va dire, mais il n'était pas à la hauteur. Et les éléments vraiment révolutionnaires, les gens comme Déa. Les gens comme Doriot, malheureusement, ont été limités trop longtemps pour que leur action ait pu porter. Mais avec des gens comme Déa, des gens comme Doriot, ils n'avaient pas été entravés. Parce qu'ils ont été mis en situation, mais très tardivement, en 1943. Bon, c'était déjà très tard. Et c'est malheureux, parce que ces gens-là auraient pu mener une révolution en France. Ils avaient bien compris les choses, ils voyaient bien, c'était des gens ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, je veux dire. Et j'ai vu encore récemment un article infâme de la publication juive Causeur, de Madame Lévy, qui a attaqué très bassement Abel Bonnard. Et nos auditeurs s'en rappelleront, en tout cas les plus fidèles, vous savez, l'article sur pourquoi l'homme blanc aime les nègres. Vous vous rappelez de cet article-là que j'avais lu de Bonnard pourquoi en profondeur Oui. Ouais. Bon, voilà, si vous voulez, hein, ceux qui crachent sur des hommes comme ça. Donc, académicien aussi, maudit, mort en exil en Espagne. Bon, ben bah, voilà, c'était des gens qui ont vu, qui ont essayé. Je pense à Chateaubriand aussi, bien sûr. Avec son livre extraordinaire, La gerbe des forces. Extraordinaire livre, hein. De facture chrétienne, mais qui fait une jonction avec le national-socialisme, et je dois dire que c'est assez bien réussi. Parce que ce qui retient du christianisme, en fait, c'est le don de soi, on va dire. Le don de soi, il articule avec le national-socialisme, un livre tout à fait extraordinaire, j'en recommande la lecture. Très bien écrit, fatalement. Voilà, donc il y avait tout cet ensemble de les dernières étincelles, en fait, d'intelligence française qui étaient là, qui voulaient encore essayer, voilà. Bon, l'histoire a vu autrement. Et maintenant, on a le cloaque. Alors, l'armée française veut rétablir le service militaire. Annonce de l'opinion, je lis. L'armée de terre réfléchit à un nouveau service militaire d'une durée de 6 mois, mais uniquement sur une base volontaire. en tout cas c'est ce qu'on nous dit, son chef d'état-major, le général Pierre Schill, qu'il a récemment évoqué devant les députés de la commission de la défense, a confirmé à l'opinion travailler à augmenter notre offre d'engagement. Ce nouveau service s'inscrirait dans la continuité du service national universel, SNU, que celui-ci soit ou non généralisé sur l'ensemble d'une classe d'âge. Pour l'instant, l'exécutif a renoncé à rendre le SNU obligatoire. L'armée de terre estime que 10 000 jeunes pourraient être concernés chaque année. Ils formeraient des bataillons de volontaires du territoire national, implantés à proximité des grandes villes comme Nantes, Rouen ou Dijon, c'est-à-dire dans des déserts militaires, je cite, où l'armée de terre n'est plus présente depuis la fermeture de nombreuses garnisons. La loi de la programmation militaire en cours d'examen à l'Assemblée nationale pourrait permettre de créer deux premières emprises. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus global d'un changement de paradigme en matière de réserve et des préparations militaires, un dossier sur lequel le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'investit beaucoup. Au terme de leur service de 6 mois, ces jeunes volontaires pourraient rester militaires à temps partiel, c'est-à-dire réservistes au sein d'unités constituées et non en renfort individuel dans les forces professionnelles. Il n'existe actuellement qu'un seul régiment de réservistes, le 24e régiment d'infanterie, bataillon d'Île-de-France. À l'horizon 2035, l'objectif, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, d'atteindre le ratio d'un réserviste opérationnel pour 2 militaires d'active. Jean, qu'est-ce que t'en penses ? Oh bah écoute, ils veulent de la barbaque, là. Ils veulent faire un grand sacrifice à rien, donc bah, ils préparent le terrain. De toute façon, il n'y a que les Blancs qui vont jamais à l'armée, il n'y a que les Blancs qui y croient quand ils vont faire la réserve. Mais bon, ils ont aussi un autre problème, là. C'est qu'il y a aussi des nanas qui viennent un peu foutre le merdier à la réserve, parce qu'elles veulent se trouver un mec ou elles veulent faire les intéressantes. Et donc, c'est aussi un problème de ce que j'avais pu entendre à gérer. Donc, moi, je crois pas que ça va être très sérieux. Je crois pas qu'ils vont réussir à recruter des gens de très bonne qualité, ni des gens qui y croient vraiment. Donc, ça va être un peu le test pour le régime, pour savoir s'ils arrivent à avoir de la barbaque à envoyer se faire crever contre les Russes. D'accord, donc tu inscris ça dans le cadre de l'escalade générale contre la Russie. Ça fait pas de doute de ton point de vue, quoi. Ah bah oui, tout le monde en parle. Les Polonais disent qu'ils vont être en guerre contre la Russie. Là, notre chef ministre des Affaires étrangères Bernard-Henri Lévy a annoncé que nous étions en guerre, donc c'est dans l'ordre des choses. D'accord. Les autres, Doc ou Nogaret? Oui, alors pour moi, ce genre d'annonce, déjà, ça fait écho aux déclarations il y a quelque temps du juif Zanavicius, hein, qui voulait envoyer de la viande aryenne au front. Alors qui est-il ? Rappelle-le pour ceux qui nous écoutent, ils n'auraient pas forcément qui est Zanavicius. Oui, il est réalisateur, hein, pardon, si je ne m'abuse, et il annonçait sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision que les goïms devaient aller mourir, hein, pour la démocratie. Donc c'était l'annonce en bonne et due forme. D'abord, je le dis pas avec beaucoup d'humilité, je le dis avec beaucoup de lucidité. Vraiment, encore une fois, enfin. Je vous rappelle que j'ai fait OSS 117, quoi. Je suis pas un stratège militaire. Et je voudrais pas prendre un costume qui est pas du tout le mien. Mais si vous me posez la question, moi, sans aucun doute, je pense qu'il faut soutenir le plus possible et sur tous les fronts, l'Ukraine. C'est-à-dire, moi, je suis. Si vous me demandez mon avis, qui vaut vraiment ce qui vaut, mais je suis pour envoyer non seulement des armes, mais envoyer des hommes. Et voilà, l'agression de Poutine vers, je pense que l'ennemi de Poutine, c'est nous, en fait. Ce sont les démocraties et les valeurs qu'elles véhiculent. Et il n'a de cesse de les tenir à distance, de les déstabiliser et d'essayer de les mettre à mal avec tous les moyens possibles, que ce soit des ingérences dans des campagnes électorales, dans des élections présidentielles, que ce soit physiquement. Tout ça a commencé avec la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie, il y a eu la Biélorussie, il y a eu la Syrie. Là, ça continue. Attendez, Michel Azanavicius, pardonnez-moi de vous couper, mais j'ai bien entendu, vous avez dit que selon vous, il faudrait aussi envoyer des hommes, des soldats combattre en Ukraine, parce que jusqu'ici, c'est une ligne rouge, comme vous le savez. Oui, non, je sais bien, mais encore une fois, je vous le redis, je le dis de mon point de vue de quelqu'un Absolument. Qui n'est pas en charge, je ne suis pas du tout un homme politique. Je ouais. dis juste que, selon moi, il faudrait faire tout ce qui est en notre, comment dire, tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ukraine gagne ce conflit et pour que la Russie le perde, surtout. Ça mettre en ça fait écho, je pense aussi aux récentes déclarations de Bernard-Henri Lévy par rapport au fait que la France est co-belligérante. Bon, on le savait déjà, mais en tout cas, ça devient de plus en plus officiel. Moi, ce que je vois dans ce genre d'annonce, c'est qu'en fait, la fenêtre d'Overton se déplace petit à petit. Il y a quelque temps, c'était le simple SNU, là, l'espèce de blague qu'on a mis en place. Pour amuser la galerie. Là, on commence à dire que ça va durer 6 mois. Alors, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais moi, je mets ma main à couper que ça va finir par l'être, peut-être pas forcément tout de suite, bien sûr, mais d'ici quelques années. Alors, évidemment, on met un délai assez long. On dit à l'horizon 2035, mais il y a fort à parier que ce soit bien avant. Ce sera finalement un peu comme ce qu'on a vu pendant le Covid avec la potion du juif bourla. Hein. C'était le vaccin pas obligatoire, mais bon, petit à petit, on te contraint par tous les moyens pour te forcer à accepter ce qu'on veut te faire faire. Si je peux ajouter rapidement, en fait, dans deux cas, j'ai l'impression que c'est l'image de la grenouille dans la marmite, qui commence par de l'eau froide, progressivement arrive à l'eau chaude, brûlante, même, et du coup meurt dans sa marmite, puisqu'elle n'a pas le réflexe de sauter, elle est peu à peu habituée à cette situation. Je le vois dans deux cas, c'est-à-dire, bah, comme l'a très bien détaillé Doc, c'est-à-dire on avance petit à petit. D'ailleurs, je les remercie de nous donner raison, puisqu'on avait évoqué ça dans une précédente émission, et même bah, sur le site, ça avait été évoqué il y a plusieurs mois de ça. On avait déjà dit, en fait, ce qui est maintenant quasiment entériné. Et l'autre aspect, c'est sur la guerre en Ukraine. En fait, je trouve la stratégie bien vicieuse, hein, mais voulue, de petit à petit rajouter de plus en plus. C'est-à-dire que au début, c'est l'Ukraine, puis rapidement, ça s'étend sur les pays voisins, la Moldavie, la Pologne, les pays baltes, la Finlande. Et on nous dit, ben voilà, préparez-vous. Donc, on n'en voit rien. Petit à petit, on en voit de plus en plus de matériel jusqu'à dernièrement le Biden qui dit finalement si les Européens veulent fournir des F-16, on va préparer des pilotes pour ça, etc. Donc la chair à canon française qui partirait sur le front de l'Est dans notre but cette fois, ça fait partie de cette stratégie dont on avance petit à petit, soi-disant pour pas faire une guerre ouverte face à la Russie. Moi, je pense que c'est plutôt pour endormir les populations en leur faisant accepter que finalement, par la méthode du cliquet hein, d'une certaine manière, que finalement on est allé tellement loin qu'on peut plus reculer et que maintenant, vas-y mon gars, une tape dans le dos et faut y aller quoi. Bah, je pense qu'on y est, hein. Oui, tout à fait. Donc, je crois que vous avez raison dans ce que vous dites à propos du phénomène de cliquet et d'annonces rassurantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement en fait un ballon d'essai. Donc là, cette annonce, c'est un ballon d'essai. Donc il faut savoir que l'Opinion est un journal de gauche, dont Merchet est proche des intérêts du ministère de la Défense, dans tout ce qu'il y a de plus belliciste et aligné sur les intérêts de Washington. Donc c'est vraiment, en gros, c'est la feuille, si vous voulez, des militaires français proches des intérêts américains et juifs. Et donc la conception, c'est la conception des juifs dits néoconservateurs, donc des juifs tout court, de la guerre pour la guerre. Donc c'est la conception de Bernard-Henri Lévy. Donc quand ça vient par là, c'est pas anodin. Donc en fait, c'est les juifs qui disent hey, blanc, il est temps de te réveiller parce que tu vas aller à la guerre. Alors, ils vont pas dire ça comme ça. C'est bien dit d'ailleurs. 2035, tu sais, 2035, ça va, tu vois, oui, non, ça c'est pour les cons. 6 mois, en 2035, on verra bien. Ouais, bon, vous avez compris que si c'est pour 2035, pourquoi on fait l'annonce en 2023 ? Vous comprenez ? Donc c'est là que ça devient bizarre. Le SNU, comme bien pointé du doigt par Doc, c'était pareil. Oh, mais non, c'est sur la base du volontariat, hein, voilà, quelques endroits, voilà, bon, puis. Eh, attendez, hein, c'est juste voilà, une dizaine de jours pour être au contact des valeurs de la République. Ne vous en faites pas, vous en faites pas. Récemment, ça devait être obligatoire au mois de septembre, partout. Alors ça a commencé à remuer un petit peu à droite à gauche, parce que le climat social n'est pas très favorable. Mais c'est le but. Et en fait, quand vous lisez ce que vous dit Merchet et les intérêts juifs qu'il défend, c'est que le SNU a vocation à servir de premier filtre. Donc on va faire venir toute la barbac de l'Hexagone, la jeune barbac. Alors là-dessus, vous imaginez bien qu'il y a un sacré paquet d'halogènes, hein. Au moins une trentaine de pourcents, et je suis gentil. Donc déjà, vous savez que les bases années et tout ça, on va les mettre de côté, on va trouver des excuses. Non, ouais, mais voilà, il n'a pas le bon... Quelques-uns quand même pour les photos, mais grosso modo, ils vont être mis de côté. Donc on va aller chercher des blancs, parce qu'il n'y a que les blancs qui sont capables de tenir des flingues et de faire un travail à peu près correct. Donc il faut trouver des jeunes blancs, hein, voilà, une vingtaine d'années, 18, 19, etc. Enfin, il faut les repérer à l'avance. Et alors le SNU, on est bien, voilà, c'est dans la continuité. Oui, dans la continuité, c'est-à-dire qu'on va repérer les mecs valides, on va leur dire, tu veux pas faire un truc un peu volontaire, et on va repérer les bons. Donc il faut bien comprendre, il y a une distinction ici. La conscription, c'est pas la mobilisation. La mobilisation, c'est la mobilisation générale. Non, pas du tout. D'accord ? Il s'agit d'une mobilisation partielle de réserve. Il faut créer des réserves. Et pour créer des réserves, il faut des goïms pour ça. Et il faut qu'il y ait un travail de filtre, etc. Parce que on n'est pas en 1914. On va pas faire une armée exclusivement sur le fantassin, je veux dire. Il faut des troupes. Mais il y a aussi la question du matériel, de la formation, etc. Parce que ça consomme énormément. Mais il faut quand même des troupes. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont une grave crise du recrutement. Pareil aux États-Unis. Ils ont une très sévère crise du recrutement. Et ils vont, c'est des discussions en cours aux États-Unis, ça va être bien. Ils vont rétablir la conscription. La conscription, c'est on appelle un certain nombre de personnes, pas toute une classe d'âge, hein, un certain nombre de personnes dans une classe d'âge, c'est autoritaire, officiellement au hasard, mais ils vont dire ces algorithmes sur la base de trucs, la diversité, le machin, mon cul. Les gens vont recevoir une note chez eux. Eh bien voilà, vous devez vous présenter à la caserne. Alors, au départ, SNU, on filtre, on repère les gars qui peuvent être intéressants, deuxième étape, réserve, et ensuite direction le front. Et ça sera pour combattre les Russes. Il faut que ça soit clair. Ça sera pour combattre les Russes. C'est dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, qui a déjà commencé, je le dis. Donc là, parce que l'armée française actuellement ne peut pas... les volumes que consomme le front là actuellement, au niveau de l'OTAN, ils sont stupéfaits par le volume de consommation d'hommes, d'armes, de munitions qui ont lieu à l'Est. Sur un théâtre, somme toute, assez restreint. Puisque même si c'est en Ukraine, grosso modo, c'est de l'embouchure du Dnieper jusqu'au nord, jusqu'au sud de Kharkov. Alors, pour des pays européens, ça représente une belle distance, hein, à peu près plus de 1000 km. Hein. Mais, c'est rien par rapport à la longueur du front russe. Parce que quand vous partez de la frontière turque sur la mer Noire jusqu'au cercle polaire, il y a quelques milliers de kilomètres à défendre. Hein. Donc ça demande des hommes, tout ça. Hein. Et les Russes n'ont qu'un commandement unique, c'est un avantage considérable. C'est un commandement unique pour toute la ligne de front. Tous les autres, ils doivent ramener leurs troupes, leur style, leur style de commandement, etc., les différences culturelles, linguistiques, c'est compliqué à gérer, je veux dire, c'est compliqué, même avec l'OTAN, c'est compliqué à gérer, donc ça se prépare, et c'est ce qui se passe actuellement. Et les Français veulent être présents, enfin, les dirigeants français veulent être prêts, parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné la guerre. C'est tout ce qui guide, en fait, la politique française. Les dirigeants français qui pensent que la Russie a perdu, une question de temps. Donc ils veulent être présents aux tables des négociations. Donc, est présent à la table des négociations, celui qui a versé du sang. Voilà. Donc il faut que des Français meurent pour que les dirigeants à Paris puissent acheter un ticket d'entrée dans les grandes discussions. Voilà. Donc il faut trouver des gogoles qui vont mourir. Alors, les volontaires, au départ, c'est bien, c'est marrant, c'est sympa, ça fait... Voilà, ça les réminiscences, etc. Les brigades internationales, j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup convoqué ça. Pas les corps francs, hein, non, les brigades internationales, c'est ça. Mais ça ne va pas suffire. Donc, il va falloir trouver d'autres gens pour aller mourir, vraiment, en masse. Et là, de manière suffisamment significative pour être crédible à la table des négociations, en tout cas telle que se l'imaginent les homosexuels du Quai d'Orsay. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Et ils vont trouver, parce qu'il faut bien comprendre, ils vont trouver des gogos qui vont vouloir aller mourir. Parce qu'on va leur dire, oui, mais tu vas voir, c'est l'aventure, etc. C'est marrant, les flingues, c'est cool. Vous avez des chaînes YouTube d'enculés comme ça. Ils vont en Ukraine, ils vont en évidemment le truc, hein, tout le baratin, la guerre du droit, défendre la veuve et l'orphelin, bon, ça c'est pour les connards. On vous montre les gros flingues, attends, c'est cool, putain, ouais, genre. Et les jeunes qui savent pas trop quoi branler, qui sont en France, ils végètent. On leur dit ça, allez, va là-bas, tu vois, voilà, bon, une fois qu'il est crevé, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, surtout les juifs qui l'ont vu mourir, mais voilà. Et bon, voilà la situation, c'est terrible, mais ce ballon d'essai a vocation à se pérenniser beaucoup plus vite qu'on ne pense. Il suffira simplement au ministère de la Défense, à Lecornu, à sa clique, de dire « Ah ben oui, mais les circonstances ont changé très vite, voilà, il faut qu'on ça devienne durable, il faut qu'on accélère sur le calendrier. » D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans l'article, hein. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus global d'un changement de paradigme, hein. Ils disent bien changement de paradigme. Le système entre dans la phase suivante du plan qui est l'envoi de Goïm au front pour mourir. Hein. Ouais, c'était marrant, il y avait un commentaire d'un gars qui disait ça, il a fait son service militaire, et qu'il y avait un officier qui lui avait dit, c'est sur Twitter, on peut pas vérifier, je suis d'accord. Donc quelqu'un peut me dire, ouais, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Ok, d'accord, je veux bien l'entendre. Enfin bon, ça m'avait l'air réel. Il avait dit, bon bah moi quand j'ai fait mon service, je crois qu'il devait être dans les derniers, quoi. Et il a dit, bon bah si on le rétablit, c'est qu'il y aura une guerre dans les mois ou les années à venir. Hein. Et tout le monde y croit. Enfin, c'est le bon sens. On rétablit le service militaire s'il y a un risque de guerre. Et ça corrobore effectivement ce qu'il y a dans l'article, ce que tu cites bien, le fameux changement de paradigme, formule poétique pour décrire en fait le risque accru de guerre qui se présente, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je me permets de remarquer au passage qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y a même pas quelques années, on prêtait de manière générale à l'extrême droite, hein, de manière très générale, comme je dis, toute velléité belliciste. Or, maintenant, on reproche à cette même extrême droite de ne pas vouloir la guerre. Les cartes sont complètement rebattues. Bah, c'est le reproche qu'on a adressé à Céline. Donc on est célinien, je veux dire, je suis désolé, le pacifisme de Céline, bagatelle pour un massacre, c'est justifié par ça. Céline est raciste, il est antisémite, il voit le drame pour la race blanche, il voit le jeu des juifs, et il dit, il ne faut pas rentrer dans cette guerre. D'abord, on va la perdre, la France va la perdre, ça va être un désastre, et ça va être une catastrophe universelle, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il l'a écrit noir sur blanc, il l'a annoncé, C'est pour ça que les Juifs voulaient lui faire la peau. C'est pour ça. Après-guerre, pourquoi ils l'ont traqué pour essayer de l'assassiner? C'est parce qu'il avait dit l'énormité. C'est-à-dire, il avait décrit l'éléphant rose au milieu du salon, que personne ne voyait. L'énorme Juif, que personne ne voulait voir, alors qu'il était partout. Comme aujourd'hui, vous voyez? Regardez les Français aujourd'hui. Bien sûr, certains sont lucides, mais combien de Français ne voient pas les Juifs? Alors qu'ils sont en pleine lumière, en plein jour, qui s'exhibent comme jamais ils se sont exhibés dans leur histoire. On ne peut pas tous les citer tellement ils sont nombreux, mais ne citer que le juif Lévi. Tous les plateaux qui disent « il veut la guerre », il l'explique. Dans le Jewish Chronicle, ça avait été cité dans l'émission, il a dit, le journaliste de juif de ce journal lui disait « mais il y a quand même un risque de guerre nucléaire, la France, la Russie est un état nucléaire ». Bernard Lévy dit « mais c'est pas grave, c'est un risque, il faut le tenter, etc. Ce juif est fou de Lévy, il est fou. C'est pas que les gens m'écoutent. Lévy n'est pas qu'un juif un peu histrionique qui fait ses... C'est un danger. Très largement sous-estimé, ce juif. Il nous pousse à une guerre nucléaire en toute connaissance de cause. Il l'a dit au Jewish Chronicle. Il l'a dit. C'était bon, les journalistes lui ont dit, mais il y a quand même un risque de guerre nucléaire. Qu'est-ce que vous en faites? Il lui reprochait pas. Il lui posait la question. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et il a dit, mais c'est pas grave. ça fait partie. On peut. Il avait dit, si on s'en tient à ça, on ne fera jamais rien. Il faut y aller quand même. Il a répondu comme ça. Et tous ces juifs pensent comme ça. Glucksmann, c'est pareil. Ces gens sont dangereux. Ces juifs sont dangereux, vraiment dangereux. Ils sont dangereux pour la paix mondiale. Ils sont dangereux pour le quotidien des gens. S'ils nous poussent à la catastrophe dans laquelle ils veulent, croyez-moi bien que les histoires de retraite et même les histoires de coups de couteau, d'agression par des bougnoules, d'émeutes, mais ça sera de la tisane à côté. Ça sera de la tisane. Ces gens-là, ils ont une vision du monde délirante, fanatique, destructrice. Ils sont prêts à nous envoyer à la fosse commune, ces juifs. Ils n'ont jamais changé. La révolution d'octobre 1918 en Russie, on a vu ce que ça a donné, un pays qui tombe aux mains des juifs. Ça s'est converti en millions de morts. Ils sont là, ils veulent la même chose. Céline nous a avertis en 1939, et même avant, 37, toutes ces satires contre les juifs. Ils ont essayé de l'assassiner. Parce que si les goïms sont stupides, les juifs au moins savent au moins à quoi s'en tenir. Et ils se sont dit rétrospectivement, par rapport à Céline, si ce type avait réussi à convaincre les Français de ne pas rentrer en guerre, qu'est-ce qui serait passé? C'est pour ça qu'on a voulu lui faire la peau à Céline. C'était pas de la petite vengeance. C'est parce que si Céline avait su emporter suffisamment de gens dans l'opinion française pour ne pas entrer en guerre, pour les Juifs c'était la fin, parce que si la France n'entrait pas en guerre, c'était fini pour les Juifs en Europe. C'était fini. Les Français auraient dit aux Britanniques d'aller se faire foutre. Les Britanniques ne pouvaient rien faire. Les Soviétiques seraient restés dans leur trou. Enfin, les Juifs de Moscou seraient... C'était fini. Il fallait que la France rentre en guerre. C'était crucial. Finalement, on retrouve une situation un peu similaire. Hein. Ils jouent, exactement. Ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ah oui, parce qu'ils savent que c'est qui tout double. Les Youpins savent que c'est qui tout double. Ils ne peuvent pas perdre celle-là. Ils pouvaient pas déjà perdre la précédente. Alors celle-là, ils peuvent pas la perdre. Parce que c'est mondial. Et puis en plus, il y a le basculement vers l'Asie avec la Chine. Ils savent que là, ils contrôleront plus rien. Et pour les Juifs, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de leur monde, la fin de leur empire, la fin de tout. Ils reviendront exactement à la position qu'ils ont quittée il y a 3 siècles. Et alors là, on aura notre explication avec eux. Faut être patient. Très patient avec ces gens. Très patient. Mais c'est la réalité. Donc ils savent, ils travaillent d'arrache-pied, ils se précipitent, n'est-ce pas? Donc effectivement, on les voit tous excités, là, tous ces Hébreux, pour essayer de nous pousser dans le conflit, dans le carnage. Et donc ils appellent. Et maintenant, là, la note, elle est tombée. Hein. Là, on a dit, allez, maintenant, il faut aller au front. Hein. Ça va se passer comme ça. Ils vont créer un incident avec une frégate française. Ça sent très bien, une frégate française en mer Noire. Avec une équipe de barbouzes qu'ils auront payé pour. Faire couler des marins français, ça touche beaucoup les Français. Prétendu crime de guerre, voilà, de la Russie. Mais faire couler les Ukrainiens, allez savoir. Non, mais c'est à dire que tu vois, quand t'es à New York, tu vas pas faire couler un navire britannique. Tu sais que ces enculés d'anglais depuis 4 siècles, ils sucent des bites circoncises matin, midi et soir. Donc y a pas de problème. Les Britanniques, quand le maître juif va dire c'est la guerre, ils vont tous se précipiter. C'est les éléments qui sont mous et qui peuvent faire pencher la balance dans un côté plutôt que d'un autre qu'il faut aller taper. C'est pour ça qu'il faut aller taper du côté chez les Français ou même du côté chez les Allemands. Encore que les Allemands, je pense que les Juifs ne nourrissent pas beaucoup d'espoir de leur côté, pour des raisons évidentes. Mais les Français, c'est bien. Mi-figue, mi-raisin, comme ils sont avec Macron, là. Oui, un peu, oui, non, mais pas totalement, ouais. Qu'est-ce que ça serait bien, un navire français qui coule en mer Noire, vous voyez, avec... Les veuves éplorées qu'on filme, les caméras de Drahi, là, elles seraient sur le quai. Alors, vous pouvez témoigner, madame, mon mari est mort, tu vois, avec les gamins dans les bras, tu vois. Bon, parfait. Coupez, tu vois. Une croisière costard remplie de boomers, ça serait pas mal. Ouais, bah, alors là, demain, dans tes rêves. Hein. Alors voilà, alors le drame national, mobilisation générale. Mais c'est couru, si c'est pas un naufrage, ça sera autre chose. Mais les naufrages avec les marins, les gens aiment bien. Il y a un côté dramatique, c'est le navire qui coule avec les mecs jusqu'au bout sur le navire, tu vois, puis le capitaine qui n'a pas voulu abandonner, tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois, les représentations hollywoodiennes, les juifs, ils connaissent leur affaire, hein, ça fait pas 100 ans qu'ils vendent de la merde au goy pour rien. Donc voilà, moi je m'attends à un truc comme ça. Je sais pas comment ils vont nous présenter le truc, mais ils vont nous faire un truc. Parce que... En plus, ils ont besoin de fermer le Bosphore, ça c'est évident, parce qu'ils veulent aussi rebouloter la Syrie. Hein. Ils aiment pas ça, la Syrie, alors ça leur déplaît beaucoup. Donc il faut empêcher la marine russe de passer. Donc il faut forcer la main des Turcs. Donc il faut trouver c'est bien un truc en mer Noire, ça me plaît beaucoup ça. Je sais qu'ils ont, c'est déjà planifié. Tout ça est déjà planifié. Je veux dire, c'est évident. Donc, mais il faut se préparer. Donc ils ont déjà massé ils sont en train de masser 300 000, de passer à 500 000 troupes, un demi-million de troupes de l'OTAN sur la frontière contre la Russie. Et ils veulent s'en servir. Voilà. Donc qu'est-ce que, mais les gens ils dorment. On a à tout casser un peu plus d'un an. Un an et demi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps juste que l'OTAN, avec les Juifs, accumule tout le matériel et les troupes qu'ils veulent. Voilà. C'est ça qu'on a sous le nez. Je vous dis. Hein. Donc ça va venir vite. Hein. Mais simplement, Gandalf, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais... Bien sûr que les Français ne veulent pas voir, et malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Et encore une fois, pour reprendre des propos qui sont tenus, enfin, propos, pas forcément propos, vous allez comprendre, mais qui sont tenus directement par les intéressés, il y a eu une photo qui a été prise il n'y a pas longtemps avec tout le personnel juif à la Maison Blanche. Sur la photo, grosso modo, il y a à peu près 160 personnes. Ça représente un tiers de la Maison Blanche. Ah ouais, ouais, ouais. Et les gens ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que 2% de la population représente un tiers du pouvoir. Ils ne se posent pas de questions de ce déséquilibre, de la politique qu'ils subissent. Ils se disent, non, c'est juste, comme on a pu entendre à propos de certaines personnes, mais c'est juste des gens qui ont le travail dans le sang, etc., qui sont méritants. Ils trouveront toutes les raisons, en fait, tant qu'ils n'auront pas le nez dans la merde, pour ne pas nommer les choses. Et ils trouveront toutes les raisons pour vous dire que bah, la guerre, finalement, c'est pas la guerre, que Bakhmout, c'est pas une victoire russe, que ça ne symbolisait rien, que Belgorod est en feu, que... Ça, c'est... Enfin, voilà, ils sont abreuvés à la propagande, et c'est quelque chose qui leur va très bien. Ils s'est nourri directement chez eux, et ils ne veulent pas en bouger, et ils attendront le dernier moment pour dire « Ah non, mais finalement, moi, c'est peut-être pas ce pourquoi j'ai voté », puisqu'ils se voient d'ailleurs pour la réforme des retraites. Hein. Ils gueulent après Macron, là où Macron avait annoncé le projet, donc... Bon, voilà, ils l'apprendront, c'est malheureux, mais ils l'apprendront de la façon dure, et pas de la façon plus pédagogique avant que tout se passe. Bien sûr. Bah oui, mais c'est l'histoire tragique de Céline, c'est-à-dire il avertit, et ça suffit pas. Voilà, c'est ça la tragédie. Donc il annonce, mais même Rebattet, hein, les décombres, c'est ça aussi, c'est un très beau livre, l'histoire de les décombres de Rebattet. C'est un, j'adore Rebattet, et donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait il voit que, moi je vous invite à vraiment à lire les décombres, il faut lire ce livre. D'abord c'est extrêmement bien écrit, de ce point de vue-là c'est un chef-d'œuvre. C'est tragique parce que on connaît la fin, donc on voit la mécanique se déclencher, et Rebattet, en fait, donc il narre bien, hein, comment lui, dans sa vie de jeune journaliste, de jeune militant de l'Action française, il est très naïf, en fait, comme probablement quelques militants de l'Action française aujourd'hui, quoi. Voilà, donc qui rentre là-dedans, bon, avec des conceptions, voilà, très arrêtées mais très académiques, qu'il a lu, voilà, à l'Action française, puis ensuite il y a la pratique. Et notamment, lui, sa pratique, c'est qu'il va en Allemagne, en fait. Dans les années 30, il fait des voyages. Donc, comme il dit, voilà, bah, moi, contrairement un peu à tous les bouffeurs de Bosch de l'Action française, bah, bon, allez, je me tente d'aller voir en Allemagne, voir un peu de quoi il retourne, etc. Mais avec beaucoup, comme il dit, beaucoup de préjugés, en fait. Il était très, très. Et en fait, il est complètement étonné, parce que, comme il le dit lui-même, il dit, bah, c'est bizarre, parce que ce pays que l'Action française dégueule, mais en action les principes que l'Action française de Maurras a toujours prêché. Donc il dit, j'ai, là est venue ma première dissonance cognitive, comme on dirait aujourd'hui. Quoi. C'est, tiens, c'est bizarre. L'Action française n'a qu'une passion, c'est dégueuler sur le seul pays qui met en, qui, avec l'Italie de Mussolini, les principes qu'il prêche. Et de fil en aiguille, voyage, etc. Puis voilà, ils se rendent compte, non, il faut être sérieux. Non, l'Allemagne NS, c'est notre famille d'idées, c'est nos camarades, il n'y a rien à faire. Il y a des différences nationales, des traditions nationales complètement, des intérêts aussi géostratégiques qui sont différents. Mais il ne faut pas se tromper, il y a une philosophie du nouveau gouvernement qui est notre philosophie. Et alors, plus le temps passe, plus au fur et à mesure de ses voyages, plus en fait, il divorce en fait avec l'Action française, dont il ne comprend plus du tout l'aveuglement, et il essaye de convaincre Maurras justement d'éviter la catastrophe, parce que c'est pas par admiration pour l'Allemagne, même si ça joue, c'est-à-dire qu'il dit voilà, on va quand même pas aider les Juifs à abattre un régime autoritaire qui combat contre la juiverie, mais il sait aussi que la France peut pas gagner, que de toute façon que ça sera un désastre pour la France et qu'elle en sortira très très affaiblie. Probablement irréversiblement. Donc il se démène, etc. Il convainc Maurras. Alors Maurras est convaincu au bout d'un moment qu'effectivement, il ne faut pas que la France rentre en guerre. Alors Maurras, évidemment, pour des motivations différentes, mais parce qu'elle n'est pas prête, etc. Mais le truc, c'est que malgré leurs efforts, tout se déroule. Enfin, tu as cette mécanique qui progresse. Rebattel rend très bien. C'est qu'en fait, en dépit de tous leurs efforts, il arrive bien à le rendre dans son écriture, dans la narration. La machine continue d'avancer, quoi. Il y a une espèce de truc inexorable qui se met en place. Et ensuite, il y a le choc, parce que donc lui, dans l'armée, c'est-à-dire qu'il est mobilisé. Et alors, il est dans son unité, c'est la foire intégrale. Les mecs ont dit non, 1940, c'était pas la 7e compagnie. Bah, vous avez qu'à lire Rebattel, vous allez voir que la 7e compagnie. À bien des écarts, ils ont été gentils, hein, parce que c'était quand même bien la débandade. Parce que la France était déjà démocrasseuse. Voilà, alors que les Allemands en face, c'était fasciste, quoi. Les mecs voulaient, ils avaient les idéaux clairs. Et après, il y a Vichy. Alors, il faut voir comment ils parlent de Vichy. Ça, c'est pas piqué des hannetons non plus, parce qu'il raconte comment en fait la foirade continue, comment Vichy. C'est de la merde, les bonnes têtes sont pas aux bons endroits, que ça, il y a des youtres au coin des rues, il y a rien qui va, quoi, voilà. Et en fait, ils réalisent assez vite parce que au départ, ils se disent les mecs vont réaliser, il va y avoir un déclic. Vu la branlée qu'on vient de se prendre, ils vont se dire putain, on a vraiment merdé, on va falloir qu'on remette les choses d'équerre. Et au bout de 2-3 mois, ils disent non, laisse tomber, c'est totalement foutu, on va en zone allemande et ils retournent à Paris. Voilà, et donc il raconte son truc. Et voilà, bon, après, il y a Dialogue de vaincu aussi qui est extraordinaire. Mais entre Céline, Rebattet, Cocteau, tout y est. La déchéance de la France, avant, pendant et après. Avant, pendant et après. Donc c'est ça qui est tragique. Donc, mais c'est pas parce que la France, je veux dire, comme corps constitué, et dégénère, que les Blancs peuvent rien foutre en France. Parce qu'il y a une donnée statistique, il y a 50 millions de Blancs en France, il y a peut-être la moitié, il n'y a rien à en tirer, il y a 25 millions qui peuvent, à un titre ou à un autre, être utiles, et probablement une minorité très active qui peut utiliser son intelligence, sa force de travail pour changer la donne. Voilà. Si 500 000 youtres peuvent imposer leur volonté en France, certainement qu'un million de Blancs déterminés peuvent imposer leur volonté en France, et même 500 000. C'est évident. Mais encore faut-il avoir les idées au clair. Et ça peut pas être sur la base du souverainisme ou des idées à la mort moelle-neuve comme ça. C'est pas possible. Enfin voilà, bon, ça c'est mes monologues, comme vous savez, mais. Bon. Il faut. Il y avait les dialogues de vaincus, bientôt il y aura le monologue du vainqueur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Enfin, oui, sur ça ou sur l'actualité en général, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas traité qui aurait semblé digne d'intérêt? Non, simplement, tu évoquais tout à l'heure la Syrie de Assad. Je note quand même que il y a des points sur lesquels on peut se réjouir, notamment qu'il est réintégré à la Ligue arabe, qui a eu un sommet récemment, ce qui est... en quelque sorte un bras d'honneur aux Américains et aux Israéliens un bras d'honneur direct, mais ça ne fera pas bouger les positions, mais ça montre que on a quand même la chance, enfin une chance que de manière générale il y ait des pays pour dire non à tout ça, comme la Hongrie de Orban le fait. Donc on verra comment ça évolue, mais faut pas être complètement pessimiste. Ah non, je suis pas, attention, moi je suis pas pessimiste en mode fin du monde, attention, pas du tout, hein. Non, moi je pense qu'on est à la veille de grands. Non, mais on est à la veille de grands bouleversements révolutionnaires, comme en 14, un ancien monde se lance dans une guerre et en fait n'a aucune idée de ce qu'il attend, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une porte et ils s'attendent. Et tout est bouleversé, et c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas du tout du pessimisme, pas du tout. Moi, je suis au contraire très optimiste, mais un optimisme raisonné. Donc, je sais qu'on a des contraintes, etc. Mais au contraire, non, pas du tout. Au contraire, bah, la preuve en est. C'est-à-dire que si on avait cru... parce qu'il y a un travers qu'on trouve chez certains de nos amis, qui est de croire que tout est écrit d'avance. Mais non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Les Juifs jouent leur jeu. Leurs associés jouent leur jeu. Ils poussent. Bien. Mais tout n'est pas écrit d'avance. Oui, ils ont des plans, des buts, c'est entendu, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Pas du tout. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Une petite annonce, alors... Des félicitations, plus exactement, qui sont adressées directement au gouvernement russe. M'écoutera-t-il pas? Je ne sais pas. Peut-être, écoute, est-ce que le ministère des Affaires étrangères écouterait l'émission? Je ne sais pas. Est-ce que l'Assemblée russe, la Douma, écoute? Je ne sais pas. Mais je trouve assez extraordinaire que des pans entiers du programme de démocratie participative soient repris tels quels par le Parlement russe. Alors, je vous lis ça, parce que j'ai été conquis, hein, je vous le dis tout de suite. C'est cité par Reuters. Alors, le plus haut législateur russe a demandé dimanche que les camions polonais soient interdits de transit sur le territoire russe et que la Pologne dédommage financièrement Moscou pour ce qu'il a qualifié de reconstruction soviétique du pays de l'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Bon, d'accord. Dans une déclaration, Vyacheslav Volodin, président de la Douma, d'État, le Parlement, hein, la chambre basse du Parlement russe, a déclaré que la Pologne devait être punie pour avoir trahi la mémoire historique de la libération du pays de l'Allemagne national-socialiste par l'Union soviétique, en commettant une série d'actes hostiles à l'égard de Moscou. Alors, on rentre dans les détails. Dans des commentaires qui ne manqueront pas d'aggraver les tensions avec Varsovie, M. Volodin a déclaré que la Pologne n'existait en tant qu'État que grâce à notre pays, donc la Russie, et que Varsovie devrait verser plus de 750 milliards de dollars à la Russie pour la dédommager des investissements soviétiques réalisés dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté que la Pologne devrait également restituer les territoires qu'elle a reçus après la guerre. Ah, ça devient intéressant. Parce qu'il faut lire, on va y revenir. Varsovie n'a pas réagi immédiatement à ses commentaires. Monsieur Volodin a déclaré qu'une commission parlementaire commencerait à examiner l'interdiction pour les camions polonais d'entrer sur le territoire russe. Il a ajouté qu'une telle mesure entraînerait pour la Pologne des difficultés financières, etc. Alors... Ça fait suite au harcèlement des Polonais contre l'ambassade de Russie à Varsovie. Alors, comment dire ? La restitution des territoires en question, c'est les territoires allemands, hein. C'est la Silésie, la Porémanie, il y en a quelques-uns comme ça, hein, Danzig, etc. Et c'est pas la Russie. C'est à l'Allemagne, hein. Donc ça commence à me sentir étrangement bizarre à Varsovie, hein, voilà. J'aime beaucoup le plan. Je m'étonne qu'il n'ait pas été proposé avant de la part de la Russie, mais c'est bien, ça me plaît. Et alors, faut creuser un peu. Pourquoi ce plan ? Bah, ils ont compris, surtout avec les Polonais sont des gens méchants. Et donc, ils ont saboté Nord Stream, hein, ils s'en sont vantés, etc., qui était un pilier des livraisons de gaz à l'Allemagne, mais aussi à l'Europe, c'était à l'Europe occidentale. Les Français avaient contribué à la construction de Nord Stream, ils avaient investi dans cette opération, et on s'est fait détruire ce gazoduc par ces vicieux Polonais à la botte des Juifs. Bon, la même chose qu'en 1939, donc. Et alors, les Russes, ils en ont retenu une leçon. C'est-à-dire qu'il faut un corridor terrestre pour les futures livraisons de gaz. Hein ? Il faut un corridor terrestre. Donc, il faut qu'il y ait un territoire qui fasse le lien entre la Russie, Kaliningrad, et l'Allemagne. Et du coup, bah, ça tombe sous le sens, effectivement, il faut que les Polonais rendent les territoires qu'ils ont volés. Alors les Russes, ils ont dit, bah, attendez, vous avez ça, c'est grâce à nous. Vous nous crachez dessus. Ah bah, on reprend nos billes. Bah, moi, je dis bravo. Je dis bravo à la Russie. C'est très bien, voilà. 50% du territoire des de la Pologne, c'est très très bien. Et voilà, on va rendre ça à l'Allemagne, donc de l'Est, parce que je pense que les Russes ont un projet, c'est de permettre à l'Allemagne de l'Est, dirigée par l'AFD et par les nationalistes allemands, d'avoir un nouvel espace vital et économique viable, avec du gaz à pas cher. Et permettre à l'Allemagne de l'Est de se réindustrialiser. Je pense qu'il y a des calculs qui sont pas inintéressants. Moi, je dis pas mal, je dis bien. Voilà. Alors, ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre. Vous n'avez probablement pas d'opinion là-dessus, parce que c'est peut-être pas votre zone habituelle. Bon, on n'est pas d'Europe de l'Est, on n'est pas de Prusse. Hein. Mais ce que proposent les Russes, en fait, c'est de restaurer la Prusse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pour, ne serait-ce que pour, comme tu l'as dit, en fait, les payer de la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire qu'ils jouent avec le feu. D'ailleurs, pour continuer dans les expressions, ils jettent de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que dès que le conflit diminue un petit peu, qu'on envisage voilà, de ralentir les choses, ils sont les premiers à remettre de l'huile sur le feu pour on sait qui, hein, au profit de on sait qui. Eh bien voilà, bravo à eux, ils pensaient s'en tirer avec ça. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'ils pensaient tirer de ça, parce que leur initiative des Trois Mers, qui ont fait un grand territoire à l'Est, ne sera jamais acceptée par qui que ce soit par l'Europe ou les États-Unis ou qui sais-je. Donc voilà, les Polonais en fait vont avoir la monnaie de leur pièce et regretteront amèrement leur prise de position, ou en tout cas celle de leur élite, comme nous, nous le regretterons peut-être aussi d'une autre manière, mais voilà, tout se paye. Bah, c'est d'autant plus drôle qu'ils ont demandé plus de 1200 milliards de dollars aux Allemands en réparation des guerres mondiales. Et qu'ils utilisent Auschwitz, donc le mythe de l'Holocauste, à leur propre fin. Ce que beaucoup de gens ignorent. Parce que les gens pensent qu'Auschwitz, c'est géré par des Juifs. C'est géré par les Polaks, Auschwitz. C'est géré par les Polaks, pour le bénéfice de l'État polonais. C'était déjà le cas du temps du système communiste. C'est ça que les gens loupent avec Auschwitz. Les gens, il faut le dire. Bien sûr, les Juifs se servent de ça pour leurs propres intérêts. Mais en fait, les communistes et l'Union soviétique s'est servi de ça au départ. Pour accabler l'Allemagne nationale socialiste, etc. Ça faisait partie de... Comme au radeau, etc. Quoi. Il fallait des trucs comme ça. Et alors, les Polonais ont senti l'affaire. Et comme c'était en Pologne, ils ont retiré les bénéfices. Donc l'Allemagne, c'est la Pologne communiste qui était en charge du site, originellement. Pour accabler le fascisme, etc. Les gens ont complètement perdu de vue la dimension communiste de l'époque, dont j'ai parlé avec Guy Moquet, etc. C'est les communistes polonais. Quand le communisme s'est cassé la gueule en 90, 91, 92, les Polaks, ils n'ont pas perdu le nord. Ils ont dit, ok, maintenant on n'est plus un régime communiste, mais on va quand même garder ça, parce que c'est bien quand même pour se victimiser. Et récemment, on en a parlé dans l'émission, les Juifs ont dit aux Polaks, non mais attendez, vous êtes co-responsable de l'Holocauste avec les Allemands. Il faut payer maintenant. Et là, les Polaks ont dit, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, ouais, non, vous avez organisé, vous êtes des antisémites, etc. Voilà. Et ça, le torchon a brûlé entre les Juifs et les Polaks. Et parce que justement, les Polaks, jusqu'à présent, pensaient pouvoir toucher des royalties comme les Juifs, avec cette histoire d'Auschwitz. Et c'est là que, peu de temps après, ils sont arrivés pour tomber sur le rable des Allemands. Parce que les Juifs leur demandaient, je crois, 800 milliards de réparations. Et ils sont arrivés, ils ont dit aux Allemands, il faut nous raquer. J'ai dit 1200, mais je crois que c'est même 1800. Je ne sais plus, c'est une somme astronomique complètement délirante. Vous pensez bien que la magnifique Pologne de 1939 n'avait pas un PIB de 1800 milliards de dollars. Okay. Donc c'est vous dire la bande d'escrocs qui gère Varsovie aujourd'hui. Donc c'est un énorme pataquès entre Juifs et Polaks et qui s'en prennent à peu près à tout le monde. Et là, ils provoquent, donc ils disent aux Russes, donc ils expliquent par d'où, ils présentent leur carte. le Premier ministre polonais a dit sur LCI, en présence de Rojbin, l'Iranien qui vient de Suisse, voilà, on va débiter la Russie en morceaux. On va commencer par les États musulmans de la Russie avec la Tchétchénie, etc. Qu'est-ce qui pourrait bien merder, on se demande. Voilà, on va commencer par les musulmans, c'est rigolo avec les musulmans, tu vois. Donc les mecs te disent, voilà, on va armer le djihadisme international en Russie, tu vois. Voilà, tranquille, quoi, tu vois. Ils te disent ça avec Rojbin, etc. C'est ça, ces ordures de Polak au pouvoir à Varsovie. C'est ça, ces mecs. Tu vois. Mais ils sont là, Kato, machin, tu vois, tu parles, bande de faux culs. Hein. Ils sont prêts à armer les djihadistes partout où ils peuvent, les mecs. Ils sont complètement cintrés. Et juste pour régler les comptes avec les Russes, tu vois. Et sur ce, ils disent, ouais, on va couper en morceaux, comme ci, comme ça. Et on va faire cracher les Allemands. Tu vois. Ah ouais, bah, c'est bien dans votre planète, hein, ouais, tu vois. Et là, les Russes arrivent et disent, bah non, vous allez nous payer 1200 milliards de dollars. Et en plus, on va reprendre la moitié de votre territoire. Et on va le donner aux Allemands. Ça vous fait quoi? Là, les Polonais, ils disent, ils doivent rigoler jaune, quoi. Ils doivent se dire, tant que l'armée américaine nous protège, ça va. Mais faut pas que ça déconne, quoi. Hein. Faut pas qu'il y ait un problème sur les allers-retours entre les États-Unis et la Pologne, parce que sinon, ça peut mal se finir, quoi. Hein. Voilà. Bah, je sais pas. Hein. Moi, historiquement, tous les mecs qui ont misé leur survie sur les Américains, en général, ça s'est mal fini. Bon. Je sais pas, hein, s'ils ont envie de risquer leur vie, pourquoi pas, hein, mais... Bon, voilà. Tiens, Gandalf, j'étais en train de regarder par rapport à ce qu'avait réclamé la Pologne à l'Allemagne, là. Alors, c'était effectivement 1300 milliards ouais. Réclamés donc, par la Pologne à l'Allemagne, en sachant que le PIB actuel de la Pologne était à peu près 570 000 milliards d'euros. Donc, voilà. Ouais, alors imagine en 1939. C'était quoi? C'est 20 milliards? C'est des champs, quoi. Il y avait des champs en Pologne, quoi, grosso modo, quoi. Et beaucoup de juifs aussi. Donc c'est hallucinant. Enfin, ces mecs, c'est incroyable, quoi. On parle souvent de l'impudence, du manque de pudeur, totale des juifs. Mais c'est vrai que les Polonais, je pense qu'il y a match, hein, quand même. Hein. Il y a match. Quelqu'un d'autre sur tout ça, ou on se sépare là-dessus? Est-ce que vous allez vous... 1792, Valmy, vous allez vous porter aux frontières aussi héroïquement pour défendre la République contre l'ogre russe ou pas? Bon, en 92, c'était contre les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais, voilà. Bon, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Est-ce que c'est bon? Pactage est prêt ou pas prêt? Comment ça se passe? Ah, pour ma part, je suis pas trop prêt, par contre. Problème de vue. Qui veulent aller se faire crever au front, je leur donnerai un conseil, c'est de bien apprendre le chant des partisans. Là, ils donnent des cours à l'ennemi en ce moment, donc je pense que ça peut servir. Alors, faut faire gaffe avec le chant des partisans et le chant communiste, parce que, bon, les Ukrainiens, ils sont à la botte des Juifs, hein, mais ils aiment pas trop les communistes quand même. Donc, pour un public restreint, on dira quoi. Hein, voilà, parce que ça, sur un malentendu, ça pourrait mal se terminer. Est-ce qu'ils pourraient vous prendre pour des soviétiques, des pro-soviétiques? Je sais pas, il pourrait se passer des trucs bizarres, faites attention. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.